psychose et pas l'origine de la psychose. Voilà, donc je lui laisse la parole. Tu te caches derrière le... Alors, merci. Déjà, pour faire voilà, quelques précisions, en effet, je ne parle pas du tout de l'origine de la psychose, mais de la question de l'origine dans la psychose, c'est-à-dire pour les psychotiques, de quelle façon ils amènent la question de l'origine. Donc déjà, pour préciser un petit peu pourquoi je parle de psychose, donc la psychose est en général opposé à la névrose. Je tiens à préciser que là, on n'est pas dans... C'est une question de structure. Structure, c'est-à-dire que c'est pas une question de causalité. Par exemple, il s'est passé ça dans votre vie qui fait que vous êtes psychotique, ou ça dans votre vie qui fait que vous êtes névrosé. Donc, je tiens à distinguer la psychose et la névrose de la pathologie et de la norme. C'est-à-dire, peut y avoir quelqu'un qui est psychotique et qui est tout à fait dans la norme, et quelqu'un qui est névrosé, qui n'est pas du tout dans la norme. Donc, voilà, ce n'est pas pathologie-norme, c'est pas la même chose. Et je tiens aussi à le distinguer de la question de la folie. Je vais vous dire comment je définis la folie. Je la définis comme opposée au bien-être. Donc, à partir du moment où quelqu'un est extrêmement mal, est dans une détresse énorme, pour moi, c'est ça, la folie. C'est vraiment d'être dans une détresse incroyable qui fait que, on peut arriver à faire des choses. Donc, ça peut être du côté de la névrose, ça peut être du côté de la psychose. Voilà. Déjà, pour poser un petit peu les trucs. Donc, quand je parle de questions de... Ça, c'est l'intro. Hein. Alors, ça, ce sera au cours. Ça, ce sera au cours de l'intervention. Et d'ailleurs, je le dis d'avance, je vais parler de la psychose à travers un patient. C'est-à-dire, en fait, toute mon intervention, il va y avoir, bien entendu, des aspects théoriques, mais ce sera surtout le patient qui va parler lui-même de la question de l'origine pour lui. Donc je vais emprunter la voix d'un patient psychotique. Alors, qu'est-ce que j'entends par structure ? La structure, c'est dans le rapport à la langue. Donc, comme je m'appuie sur la psychanalyse et notamment sur Lacan, Lacan distingue trois dimensions, le réel, l'imaginaire et le symbolique. Je vais essayer de les définir très simplement. Ça a beaucoup évolué dans sa pensée. Donc, je vais essayer de les définir vraiment le plus simplement possible. Le réel, ça peut être la vie comme la mort. Et c'est une chose, par exemple, on se cogne à quelque chose, c'est le réel. C'est-à-dire, c'est ce qui est du côté de la présence. Donc, c'est extérieur à la langue, le réel. Donc, ce qui fait qu'on n'a jamais, nous, en tant qu'êtres vivants parlant, d'expérience au réel, parce que tout ce qui se passe dans notre environnement est déjà pris dans une représentation. Donc, ce qui est au niveau des représentations du monde, et aussi donc ces représentations-là qui sont structurées par un discours, donc le discours qu'on... Enfin, je suis en train d'avancer sur le reste. Bref, ça, c'est l'imaginaire. Représentation, discours. Et le symbolique, c'est le mot seul. Le signifiant, seul. Donc, le signifiant, sans... La représentation, sans la chose qui va avec. C'est le mot pur, quoi. Voilà. Alors, si on dit ciel, il y a un mot comme ça, ça n'amène pas chez chacun d'entre nous les mêmes représentations dans notre esprit, au niveau de l'image, donc au niveau de l'imaginaire, mais le mot symbolique, c'est le mot ciel. Et ciel, par exemple, quelqu'un peut penser à miel. Là, c'est du côté de la métonymie. Bon. Introduction terminée. Donc, monsieur N, 19 ans, premier entretien. Pour savoir qui je suis, je dois remonter à la vérité. Si je fais un choix, ce serait une trahison car j'exclurais des possibilités. Je masquerais une partie de la vérité. Je ne peux pas choisir ce que je vais être, ce que je vais faire. Mais si j'accède à la vérité, si j'arrive au bout des possibilités, ça s'imposera tout seul. Ce sera une évidence. Alors, la vérité avec ce patient, on pourrait la définir donc comme la marque symbolique. Donc symbolique, j'ai dit, c'est le signifiant. La marque symbolique, le point d'émergence, donc de naissance et de clôture, qui inscrit le sujet dans la réalité. Donc je vais vous faire un petit schéma. Alors, à la limite, oui. Je veux pas abuser, mais... Tu peux parler moins vite, s'il te plaît. Oui, je vais parler moins vite. Alors. La réalité, je la définis de façon générale comme étant constituée de discours qui sont articulés les uns aux autres, qui sont ordonnés. Donc, le réel, comme je l'ai dit, c'est la vie, la mort. Il n'y a pas d'ordre dans le réel. Les choses sont là, comme ça. On peut se cogner, voilà, c'est là. Par contre, la réalité est ordonnée par des discours. Alors, donc, les discours, ils précèdent le sujet et... Il précède le sujet, enfin la naissance du sujet, mais je vais vous expliquer vite fait la naissance du sujet. Et donc ces discours, ils dépendent de l'inscription familiale et de l'inscription culturelle dans une famille. Donc, nous sommes... Attends, c'est chaud. Nous sommes... Je vais vous faire les petites croix bleues, ça va être des signifiants. Faire des petits signifiants. Ça, ce sont donc des mots seuls, des signifiants. Alors, donc les signifiants tout seuls, si jamais... Enfin, si on n'avait que les signifiants comme ça tout seuls, en fait, on ne pourrait pas trop communiquer, quoi. Ce serait un peu chaud, enfin... On pourrait utiliser comme ça des mots, lancer des mots comme ça... Pardon. Mais on aurait du mal à communiquer. Donc, parce que ce serait que de l'ordre du symbolique. Donc c'est ce que certains appellent le divin aussi, qui serait au niveau du verbe, voilà. Par contre, pour pouvoir communiquer, il faut que du coup, tous ces signifiants-là, ils soient ordonnés dans des discours. Donc les discours, c'est ce qui relie les signifiants entre eux et qui leur donne une orientation. Donc par exemple, le mot « ciel » dans notre culture va pas... Non, attends, tout simplement, rien que le mot « ciel », par exemple, on va rester en France, on va pas trop voyager. Le mot « ciel », en Bretagne, peut-être qu'il n'a pas la même représentation que le mot ciel dans le sud, ou en Corse, par exemple. Bon. Donc, ça c'est, voilà, les discours, c'est l'environnement de représentation dans lequel on est. Donc là, je vais faire un discours. Non, non, il y a... Enfin, les discours, ils sont déjà ordonnés avant, mais ils peuvent... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le sujet qui invente un discours. Le sujet, il arrive dans des discours qui sont déjà ordonnés. Donc, voilà. Donc là, par exemple, il y a plusieurs discours. Alors, il faut que je regarde où j'en suis là-dedans. Donc, tous ces discours-là, ça donne une représentation de la réalité. Donc, pour intégrer de l'intérieur la réalité, pour que le sujet puisse s'inscrire là-dedans sans voyager un petit peu en étant tout perdu, quoi. Ça, il faut à un moment qu'il soit nommé dans ce champ de discours. Donc, par exemple, on va lui dire « Tu es Paul ». Et Paul, il va s'inscrire dans ce discours par rapport à la façon dont ses parents le placent, mais aussi à tout l'environnement. C'est très compliqué, hein. C'est pour ça que je dis, je pense pas de façon causale, hein. Ça c'est... de façon plus ou moins structurelle, comme j'ai dit. Donc, Paul va être nommé à cet endroit-là dans ce discours, et donc, pour discuter et communiquer avec ses pairs, il va fonctionner dans un système de reconnaissance. Donc, il va reconnaître les autres comme étant ou non intégrés dans ce discours dans lequel lui-même circule. Bon, voilà, en gros... Donc, si cette marque ne se fait pas, c'est-à-dire s'il n'est pas nommé, la réalité ne peut se structurer que sur un rapport d'imitation de l'autre. C'est-à-dire que la personne, elle va se placer un moment dans un endroit du discours, et hop, à un autre moment, elle va se placer dans un autre, mais il n'y aura pas d'ancrage. En sachant, c'est là qu'il faut que je le dise ou pas Oui. Donc voilà, dans la psychose, donc voilà où j'en arrive, ça c'est la névrose. Dans la psychose, il n'y a pas de position symbolique, c'est-à-dire on n'est pas dans un signifiant qui crée cette vérité, cette fameuse vérité dont parlait le patient, c'est ce signifiant, auquel on n'a jamais accès, hein, d'ailleurs. Donc, pour le psychotique, s'il y a une décompensation, donc ce qu'on appelle la décompensation, c'est le moment où, justement, il perçoit qu'il n'a pas de place dans ce discours-là, que tout d'un coup, il est face à un vide. Et ce vide-là, il le perçoit au moment où on lui demande de signer. d'être auteur. Voilà, une question d'une propriété. Donc ça peut être la paternité, mais ça peut être aussi le moment de signer un livre. Enfin, voilà. Donc dans la psychose, voilà, il n'y a pas de position, enfin, il n'y a pas un ancrage symbolique. Il y a donc une extériorité au discours, un rapport qui est du coup plus en direct avec le réel. Et donc ça permet aussi, c'est pour ça que énormément de grands penseurs et d'artistes sont psychotiques, parce que ça permet d'être dans une création permanente pour pouvoir circuler là-dedans. Il faut à chaque fois créer ce point de subjectivité qu'on n'a pas. Donc ils sont obligés à chaque fois de se le réinventer. Donc, ou alors, ça peut être aussi c'est aussi une grande fragilité qui fait qu'on peut fonctionner par imitation. Donc, par contre, dans la névrose, il y a une inscription, donc imaginaire et symbolique. Après, je parle pas de tout l'aspect du corps, etc. Hein, ce serait trop long. Mais donc, du coup, ça donne une aliénation à ce système de représentation, à ces discours dans lesquels le névrosé circule. Et donc, c'est un circuit qui est protégé, parce que ça lui permet de se protéger du réel, parce que du coup, en ayant ces représentations de ce qu'il y a autour de lui, ça lui permet de mettre un sens sur ce qu'il voit, et donc d'une certaine façon de le contrôler. Voilà, il n'y a pas de contrôle dans la psychose, ça c'est important. Donc un circuit protégé mais fermé aussi, parce que du coup il ne peut pas trop en sortir, donc il a une représentation qui est difficilement modifiable, parce que si il modifie cette représentation, ça remet en cause sa propre façon de se reconnaître dans son discours. Donc ça, cette position névrotique peut se casser, là peut y avoir un cric, dans ce qu'on appelle le traumatisme. Le traumatisme, c'est un moment où justement tout ce réseau-là de discours s'effondre. Un exemple de traumatisme, une agression très violente. Ce discours-là qui servait à protéger le sujet, tout d'un coup, là c'est une expérience de réel dans son corps, il subit la violence et donc hop, tout ce qui était structuré comme ça s'effondre. Donc soit il peut le récupérer, soit il ne peut pas le récupérer. Donc, alors, donc chez notre patient, Monsieur N, il n'y a pas d'inscription originaire. Il est là, mais en dehors. Il occupe un corps non identifié. Il est exclu du champ discursif, donc le champ du discours, de la réalité partagée. Cette absence de place, il va donc aller la questionner du côté de l'origine, en partant à la recherche de la trace qui donne le sentiment d'exister comme sujet. Cette trace, il la trouve en interprétant les actes de ceux qui l'entourent. Petit à petit, tout commence à faire sens et à s'organiser. Une porte laissée ouverte, c'est un message marquant son exclusion. Il observe les autres s'agiter autour de lui, porteurs de messages codés, qu'il va interpréter comme lui étant destiné. À partir de là, il occupe une place qu'il doit sans cesse continuer à tisser, en ce qu'il est lui-même hors nomination, à l'origine, et seul garant de sa position subjective, c'est-à-dire de son sentiment d'existence. Donc proposer une lecture psychotique de l'origine, c'est proposer une approche qui vient du dehors, et c'est ce que je voudrais explorer avec vous. En fait, c'était juste une intro, ce que je viens de faire avant, quoi. Bon, voilà. Donc le champ discursif, comme réseau à partir duquel une réalité peut être représentée, Pierre Descola en a déjà défini 4. Donc voilà, l'animisme, le naturalisme, le totémisme, l'analogisme. Ça, c'est par exemple des types de discours. Sachant que nous, on est dans le naturalisme avec la science. Donc, ce champ discursif, donc ce champ de discours, de réseau de discours ordonnés les uns aux autres, est le lieu à partir duquel un énoncé peut être considéré comme valide. Les contenus de ce discours tissent le lien social, c'est-à-dire les codes verbaux et non-verbaux qui servent au sujet à partager ce mode de représentation du monde, à interagir entre eux. Donc la réalité a eu, au cours de l'histoire occidentale, au moins 3 sources majeures de structuration qui ont fait autorité. Je dis ça, mais il y en a peut-être d'autres, hein. Donc la métaphysique, la religion et le régime souverain. Ça, c'est au niveau d'une autorité qui peut imposer un discours. Donc ces 3 ordres symboliques ont fondé et maintenu des systèmes de représentation sous forme d'absolu, en lien avec le pouvoir qui leur était attribué. Pour qu'un discours s'impose, il est donc en relation avec une autorité, ce qu'on pourrait appeler un signifiant maître. Donc quelque chose qui est issu d'un dire, donc j'ai parlé tout à l'heure des discours, bon je ne vais pas faire une interview sur le dire parce que ce serait trop long, mais en gros le dire, c'est le moment Ou, par exemple, quand François Hollande dit « Nous sommes en guerre ». À ce moment-là, il nomme une situation qui avant n'avait pas été nommée, et à ce moment-là, il impose une nouvelle représentation d'une situation. Et ça, ça va se développer en discours, qui vont créer des conflits, mais ça, c'est un dire. Et pour qu'un dire puisse prendre effet, il faut qu'il soit dit par quelqu'un en position d'autorité. Ou alors qu'il vienne de la puissance de la multitude. Que voilà, il y a comme un autre type de dire, c'est nuit debout. Nuit debout, c'est un dire. C'est un signifiant qui maintenant prend une représentation. Donc, depuis la période du lycée, Monsieur N a l'impression que le temps s'est arrêté. Le cours d'eau qui représente sa vie est figé. Si l'eau continue à couler, elle devra se disséminer en plusieurs ruisseaux, ce qui lui est insupportable. Je le cite. « J'ai l'impression que quelque chose me tire à avancer, mais je ne bouge pas. » Jusqu'à la fin du collège, tout pouvait rester soudé. Mais à partir du lycée, il a fallu qu'il commence à se spécialiser, à choisir une filière, une orientation. Choisir, c'est cliver, c'est délimiter, c'est laisser des choses de côté, c'est risquer de perdre. Il se trouve dans des moments de contemplation où il essaie de rassembler toutes ses idées. Je le cite, « Je pars d'une idée à la racine et puis ça fait des branches. » Une branche. Mais là encore, il ne parvient pas à les diriger. Il a l'impression d'être un automate. Mais tout cela sans aucune angoisse. Ça, c'est très intéressant. Il est purement passif, détaché de tout ce qui lui arrive. Il dit, « Ce qui se passe autour de moi m'intéresse sur le plan intellectuel, mais me rend indifférent au niveau émotionnel. Je vois ça du dehors, je ne suis pas dedans. » Quand je vous parlais tout à l'heure de l'extériorité au discours. Ainsi apparaît un sentiment de décalage par rapport aux autres. Cela lui semble de plus en plus étranger. J'ai l'impression qu'ils sont plus grands, dit-il. Leur façon de parler, de se comporter les uns envers les autres, s'est déconnectée. Il avait choisi de faire du droit pour se tourner vers le journalisme, pour donner sa propre vision du monde. C'est quand même intéressant. Mais maintenant, cela lui semble trop loin. Et il ne peut plus se projeter. Je suis dans le vide, dit-il. Donc il faut bien comprendre qu'il est impossible de comprendre l'autre qui n'est pas dans le même champ discursif que soi. Donc la reconnaissance que je définis comme le fait d'avoir une place dans le discours de l'autre, de pouvoir s'y reconnaître et de reconnaître que l'autre a une place dans son propre champ discursif, ne peut s'effectuer que dans une réalité partagée. Donc seulement chez des sujets qui fonctionnent à partir du même réseau de représentation. Alors là, j'ai un petit truc qui doit renvoyer ailleurs. Oui, voilà. Point actu. Pardon. Avec la mondialisation, point actu, parce que du coup, je reviens un petit peu sur un petit aspect politique, quoi. Mais avec la mondialisation, c'est vrai qu'il y a de plus en plus des représentations du monde extrêmement différentes qui arrivent en confrontation. Avec le virtuel aussi. Des représentations du monde qui sont donc incompatibles et qui se croisent sans passer par une autorité qui les légitimerait. Et ça, on le voit bien sur Internet. On peut arriver sur des contenus de discours qui sont faits par quelqu'un qui vient d'une autre culture. Donc, et on arrive devant ce discours-là qu'on ne peut pas comprendre et face auquel, du coup, il n'y a pas d'autorité qui va le transformer dans un autre discours. Mais en même temps, c'est aussi... c'est pas grave, je dis juste ça. C'est aussi un petit peu ce qui est assez horrible qu'on impose aux personnes réfugiées, ce qu'on appelle l'intégration. C'est-à-dire quand elles arrivent dans un pays, on leur fait remplir, en France notamment, un questionnaire où on leur demande surtout pas de raconter leur vécu subjectif parce qu'on n'en a rien à foutre. On leur demande de cocher les cases pour savoir de quelle façon elles s'inscrivent dedans. Donc déjà, ça veut dire ton discours, la façon dont tu te représentes le monde n'a pas de place ici. Si tu veux rentrer là, intègre le discours en commençant par cocher les cases. Et ça, symboliquement, c'est quand même assez fort. Donc, voilà, donc d'où, avec la mondialisation et le virtuel, l'envie, encore une fois, surtout chez les Occidentaux, ils aiment bien ça, de se poser la question des origines et d'aller à la recherche d'un socle commun, d'une certaine nature humaine qui serait universelle, donc par essence exclusive. Retour page 3, il y a écrit. Oui, retour page 3. Alors... Voilà, avec l'altérité radicale, on doit se passer du principe de reconnaissance pour aller vers un principe de respect. Dans le principe de respect, ce n'est pas la compréhension, donc l'intégration de l'autre qui compte, mais le pas de côté, le fait de se décaler, de mettre en perspective. Selon Devreux, les différences observées entre les êtres humains se comprennent plus aisément en fonction du concept d'homme. alors que les similarités se comprennent en fonction du concept d'homo sapiens. C'est-à-dire, encore une fois, comme je disais, qu'il n'y a de différence que de discours. Donc, monsieur N, petit à petit, il va commencer à se situer par rapport aux autres. Je le cite. Quand je suis allé au collège, il y a eu une dualité par rapport à mes amis. J'ai commencé à me dissocier. Depuis la seconde, j'ai eu l'impression que les gens faisaient semblant par rapport à moi. Je ne suis pas dans la relation. Je n'arrive pas à y aller. Faut vraiment écouter la façon dont il parle, c'est extraordinaire. Être comme eux, c'est me formater. Je n'arrive pas à me faire à cette identité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au-dessus qui me fait penser que je suis différent ? Il évoque la relation en miroir comme seul rapport à l'autre. Quand je vois une personne, j'ai l'impression de me voir et je vois alors ce qui ne va pas en moi. Et ce qu'il voit est un vide. J'ai l'impression de m'effacer, de disparaître. Je n'y suis pas complètement. Et en même temps, ça me rend plus proche de moi. C'est quelque chose de doux quand je vois les autres. Il y a quelque chose qui revient, mais de plus en plus lointain. Il évoque lors d'une soirée une fille qui est partie en laissant la porte ouverte. J'ai ressenti du mépris, dit-il. Elle était juste venue incarner ma relation à la fac en me montrant que ma place était dehors. Je ne suis pas une personne à part entière, mais un mélange des autres. C'est pour ça que souvent, je n'apporte pas d'importance aux choses qui me concernent. Je le fais parce que ça a de l'importance pour d'autres personnes, pas parce que ça me concerne. Même s'il se perçoit comme à côté, Monsieur N commence à sentir qu'il est aussi une présence. La relation avec les autres, dit-il, n'est jamais complète. Puisque je ne suis pas dedans, je suis toujours en dehors du cadre. C'est chaque fois le moment où une question lui est posée sur pourquoi il est là, ce qu'il veut ou ce qu'il aime, que la sensation de ne plus être là se manifeste. Quand je disais tout à l'heure le fait d'être auteur de ses actes ou de sa pensée. Donc pour récapituler, retour au petit schéma. Donc le petit humain, arrive dans un univers donc symbolique de signifiant. En fait, ça, je l'ai déjà dit. J'avais commencé. Je peux répéter. Alors, parce que là, c'est bien écrit en plus. Ça va être plus clair. Donc, il arrive dans un univers symbolique de signifiant. Voilà, les signifiants, c'est les petits trucs bleus, ordonnés par des discours, qui sont les petits trucs rouges. Enfin, les traits, quoi, qui ordonnent les signifiants. Donc, il associe les mots aux choses dans une représentation du monde. Pour prendre place comme sujet dans cet univers de langage, le sujet, donc en devenir, pas encore sujet, sera nommé par un signifiant, donc on appelle un signifiant zéro, celui qui va faire que le sujet arrive au monde et prend place dans cet univers de discours, qui lui assigne une place symbolique. L'hypothèse psychanalytique est que cet acte de nomination, donc, ne se produit pas dans la psychose. Le psychotique ne perçoit en lui-même... Enfin, perçoit en lui-même que le rapport social est un rapport d'imitation. Parce qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dans. Parce que ces discours-là, ça a quand même aussi une certaine part de semblant. Donc, je retourne sur notre patient. Donc, à un moment où, du coup, sa place symbolique a été interrogée. Donc, ça a été au moment, après le lycée, sur qu'est-ce que tu veux faire. Là, vide. Et il dit, il n'y a pas de place pour moi ici. D'où la nécessité dans la psychose de poser en son être la question de l'origine. Donc pas de place, c'est-à-dire pas de lieu possible d'inscription en tant que sujet, pas d'espace reconnu à remplir dans la cité, pas de fonction à occuper, pas d'image spéculaire à renvoyer à l'autre. Donc si cette question ne se pose pas pour le névrosé, c'est parce qu'il a déjà, originairement, une place qui lui a été accordée, c'est-à-dire qu'il est un parmi les autres, compté et reconnu parmi ses semblables. On pourrait dire comme ça, vous avez bien compris que moi je préfère largement la psychose, quoi. Il participe de la fiction sociale. Donc rappelons cet élément fondamental, il n'y a d'autre que de discours, c'est-à-dire seulement entre des êtres de langage. Donc en se coupant de ses sentiments, Monsieur N a l'impression d'être plus proche de la vérité. La vérité, c'est ça. La vérité avec un grand V, hein, cette marque verbale, ce signifiant zéro. Il dit, mais tout est éparpillé, il n'y a pas de lien, je suis tout aplati. Pourtant, c'est comme une force qui me pousse vers elle. Si je reviens, je ferai semblant, je ne peux plus faire semblant. Exprimer ma colère, ce serait me réduire intellectuellement. J'ai créé une base et il y a quelque chose qui m'y rattache. Ça m'emmène vers quelque chose qui va me changer. Ce n'est pas le fait de changer qui me dérange, mais j'ai l'impression que je ne pourrais pas rentrer dans le changement. C'est quand même... Je n'ai jamais été assez loin pour renoncer. Je fais rarement les choses pour moi. J'ai l'impression de me dénaturer quand je vais vers les autres. À l'origine, je suis prématurée. Dans le rapport de force, je perdrai. Je dois m'isoler pour rester moi. Se pose ainsi la question de l'accès à cette vérité et de la renonciation. Il y a quelque chose, dit-il, au niveau du contenu qui fait que j'ai arrêté. Et c'est de plus en plus fort. Ça s'accentue. Je ne me retrouve pas dedans. Le type d'endroit, ça paraît juste être une façade. Et derrière, il n'y a pas de fond. Je cherche plus un cadre dans mes études qu'un sujet. Peu à peu, dans sa quête d'une vérité originaire, Monsieur N arrive à un point de non-retour. Je le cite. « Je me suis réveillée en pleine nuit, devant la fenêtre ouverte. Ça m'a perturbée, comme si je m'apprêtais à sauter. Je ne trouve pas de cohérence. J'essaie toujours de trouver une cohérence. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça n'a pas de sens. Il n'y a plus que de vide en moi. Quand je vois les gens, j'ai l'impression d'en sortir. J'ai du mal à me considérer comme une personne et eux comme des personnes, mais plus comme des rapports qu'on entretient. Si je bouge, tout risque de se délier. Et en même temps, la possibilité créatrice commence à s'ouvrir. Il dit « Je me demande si cette année, ce n'est pas moi qui ai déteint sur l'extérieur. Je ne sais pas quoi en faire. Je me sens mieux quand je ressens des choses. » Donc là, c'est déjà un an après le premier entretien. « Je me sens mieux quand je ressens des choses, j'ai l'impression d'être acteur. » J'ai un chemin qui est différent en parlant, ça me fait plus avancer. C'est-à-dire qu'en fait, dans le dire de la situation de l'échange psy, on pourrait dire, il y a petit à petit une façon de se détacher du contrôle. Parce qu'il se rend compte que le fait de dire lui-même des choses, ça le fait se décaler par rapport à lui. Et en même temps, être, comme je disais tout à l'heure, que pour dire les choses, ça change la situation. Et donc lui, quand il dit, en fait, mais j'en reviendrai là-dessus à la fin, il est en train de s'autonommer. Je le cite à nouveau. « Je n'aime pas dire les choses sans savoir où je vais. Mais le fait de dire en soi, ça donne une direction, ça s'impose tout seul. » Voilà, c'est ça. Il le dit mieux que moi, de toute façon. Il dit tout mieux que moi. « Maintenant, j'ai envie de laisser les choses s'imposer. Lutter contre ça ne mène nulle part. Je me vois à la troisième personne. Le fait de le dire, c'est comme de le regarder, le mettre devant soi. Quand on pense, ça reste à l'intérieur. Quand on le dit, c'est du domaine de donner quelque chose. Il y a quelque chose qui se met en marche en parlant. » C'est naturel, c'est quelque chose qui revient toujours, sans y penser. Il y a toujours un décalage, un écart. Donc cet écart, c'est celui du temps qui se met à nouveau en marche, et ainsi du doute. Je le cite à nouveau, dire, c'est lui qui dit ça, dire, ça fait entrer dans quelque chose, ça oblige à contenir, j'aime pas l'idée que l'un laisse la place à l'autre. Là où le dire se distingue du discours. Il suppose donc une extériorité qui engage le sujet et modifie sa propre perception de la réalité. Donc, en fait, c'est lui qui définit le mieux ce que j'entendrais par dire. Il dit « L'idée que ça fonctionne, elle est à l'intérieur du fait que ça s'impose. » Je vous laisse méditer là-dessus. « L'idée que ça fonctionne, elle est à l'intérieur du fait que ça s'impose. » Donc, revient peu à peu la crainte d'être agi par l'autre. De quoi il s'était protégé par une rationalité permanente. Je le cite à nouveau. « On a souvent fait les choses à ma place parce que j'avais l'impression que des fois, je ne les imprimais pas. Je ressentais comme si je ne m'en souvenais pas vraiment, comme si mes souvenirs étaient ceux d'un autre. » Quand il était seul avec ses pensées, il avait une sensation rassurante que, à nouveau je le cite, « ça s'inscrivait dans une continuité, il n'y avait pas de fin. Ça se déroulait et après ça s'inscrivait derrière, parce que c'est resté dans le cadre où j'étais seul. Ça ne pouvait pas être influencé par quelqu'un d'autre. C'est plutôt que c'est passé sans me laisser quelque chose. » J'ai l'impression qu'il y a une sorte de faim qui m'entraîne quelque part. Il y a une force qui me détermine. J'essayais de me diriger contre quelque chose qui est plus fort. En fait, ce n'est pas au-dessus de moi, mais c'est en moi. La division à partir de ce moment-là s'opère nettement à l'intérieur. Il dit à nouveau, des fois tout est simple. Je me dis je vais vers ça, ça se passe bien. Et d'autres fois, c'est ça qui me dirige et ce que je trace est futile, dérisoire. J'ai toujours tendance à accorder plus d'importance au compliqué, à ce qui est vrai. Le risque pour lui est de ne pas rester dans ce courant de vérité qui semble le porter sans contrôle rationnel. De s'en détacher en choisissant une direction. Il dit à nouveau, il y a quelque chose qui me fait persister en dessous alors que je veux passer ce niveau. C'est comme le passage à l'âge adulte. Il y a un barrage. Je vais passer ça. Ouais, bah du coup, je vais faire la conclusion. Donc voilà. Il semble fondamental, du coup, que pour que le sujet puisse se reconnaître dans un champ discursif, soit nommé, quoi. Bon, non, ça, je ne vais pas le dire. Donc aujourd'hui, il faut prendre en compte le fait que plusieurs réalités existent et que l'incompréhension de l'altérité radicale n'est pas un risque ni un en plus capitalisable pour s'enrichir, mais un à côté. Quelque chose à prendre en compte comme étant à côté. Non, mais je pense que je vais encore plus vous embrouiller si je fais ma conclusion, en fait. Donc voilà, je vais juste dire la dernière phrase. L'origine est au cœur, elle est constituante de l'ordre du langage, et tout être parlant ne peut s'en défaire qu'à l'instituer au dehors. Par le dire, Monsieur N a effectué cet acte de nomination, il a fixé dans le langage sa division, l'irréductible distance entre son être de langage et son existence actuelle. Et à partir de ce dire, il va créer l'historicisation de son propre discours. Voilà. Merci beaucoup, Adèle. Je crois qu'il va y avoir des questions. Donc, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à lever la main et je vous passe le micro à votre tour. Et on en a déjà une. Moi, j'ai une question un peu piège. C'est pourquoi tu as voulu nous parler de ça ? Ouais, non, mais. Parce que c'est. Parce que c'est la façon dont je perçois le monde. Voilà, je ne sais. C'est la façon dont je perçois le monde. Non, mais tout ça. Enfin, cette façon dont. Voilà, il y a des discours qui circulent. Il y a des gens qui sont inscrits dans des discours. Et il y en a qui sont en dehors de ces discours. Et voilà, j'avais envie, en fait, de communiquer cette façon-là dont je pense le monde. Et dont ce patient m'a aussi énormément appris pour le penser. Et m'apprend. Oui, alors, ça va être dur. Disons qu'en partie, moi aussi, ça m'éclaire sur certaines choses. Mais pour... moi, j'aime bien simplifier parce que je ne suis pas trop intelligent comme toi. Enfin, je suis qu'un homme, après tout. Ça me fait penser, dans mon langage à moi, c'est le suicide. C'est-à-dire que quelqu'un qui se suicide, il n'est pas forcément mort. Mais tout ce qu'on voit, les gens avec le casque, par exemple, qui écoutent la musique toute la journée, ceux qui filment partout où ils passent, c'est-à-dire qui ne voient jamais la réalité avec leurs propres yeux, ou le fait qu'il faut passer à la télé pour exister, voilà, c'est la difficulté d'exister dans le monde d'aujourd'hui, où il faut y être, il faut faire quelque chose. Avant, il suffisait d'être là, maintenant, ça ne suffit plus. C'est aussi pour ça ce que je disais tout à l'heure à propos de l'arrogance. Il y en a qui ont besoin d'être arrogants pour dire « Mais moi, je suis là, j'ai ma place là, et si vous ne me la donnez pas, tant pis pour vous. » Et le langage a tellement perdu de sens. Parce que si on regarde la télé, je vous dirais, sans parler des hommes politiques, si on réfléchit, ils peuvent parler pendant une heure, mais ils n'ont rien dit. C'est que du vide. Bon, je ne saurais pas dire s'ils sont psychotiques ou si c'est moi. Mais pour moi, c'est des gens qui sont déjà morts et qui ont besoin de se représenter quelque part. Tu parlais d'imitation, mais moi, je pense plutôt au mimétisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... d'une certaine manière, tout le monde imite tout le monde. Et c'est pathologique. L'exemple qui me vient, c'est l'histoire de Trump maintenant. Il y a le lendemain qu'on a vu un peu ses discours à la télé, Sarkozy a refait exactement pareil. Et après Sarkozy, il y en a toute une tripotée qui refont pareil. Et ça devient un courant d'existence. Il y en a qui existent comme un présentateur télé, il y en a qui existent comme un acteur qui leur plaît. Et ça, mais c'est aussi la nécessité de mettre une distance entre soi et le monde. Mais c'est pour se sauvegarder quelque part, c'est-à-dire de ne pas devenir fou. Mais en même temps, c'est la voie pour le suicide. Enfin, est-ce que tu es d'accord ? Je ne sais pas, mais je voudrais rebondir sur une chose que tu as dite, mais du coup je vais compléter ma réponse de tout à l'heure. C'est aussi parce que je voulais essayer de communiquer un petit peu de quelle façon c'est complexe, ce dans quoi on circule. Voilà. Ce à quel point c'est complexe, et il faut pas oublier que c'est complexe. Et c'est ça qui fait toute la richesse. Et aussi, du coup, tu as dit, le langage a perdu du sens. Le langage, en soi, il a rien perdu. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, il y en a beaucoup qui disent, enfin, qui parlent de la chute, du symbolique, etc. C'est vrai qu'il y a une chute de la fonction symbolique de l'autorité comme justement définissant une façon de se représenter le monde dans une culture. Là, j'avais parlé du divin, du monarchique. La religion reprend ça. C'est intéressant ce qui se passe avec le retour du religieux quelque part. Parce que, avec la mondialisation et les réseaux virtuels, il y a, voilà, comme je le disais, plein de discours qui arrivent les uns à côté des autres, et ils sont les uns à côté des autres. Ils sont pas articulés. Et donc c'est très très difficile pour quelqu'un d'être dans tous ces champs de discours. Il y a une perdition. Il y a une perdition, et on se dit, enfin, c'est sur quoi je voulais insister aussi, c'est que l'humain a besoin, comme maître de langage, de s'inscrire dans un discours. Et en effet, du coup, la religion propose un discours avec une certaine autorité, et ça permet aux gens de s'inscrire. Mais tout comme, il y a plein d'autres, comme je disais, la métaphysique, comme je disais, et ça c'est aussi, enfin, le fait qu'il y ait autant de discours qui soient arrivés en confrontation, c'est aussi le fait de la science. Parce que la science est partie du principe que la vérité n'est pas au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur de l'énoncé, du contenu, mais au niveau de la forme. Donc placer la vérité au niveau de la forme, et non plus au niveau du contenu, déjà, perdition totale, quoi. Donc, voilà. Donc, le langage a perdu du sens. Je dirais plutôt que, là, il y a moins une autorité qui impose un sens. Et il y a plein de discours, du coup, qui circulent. Mais, comme je suis une grande optimiste, je me dis, plutôt que de pleurer la perte d'autorité, rendons compte du champ de liberté que ça ouvre. C'est énorme. Alors, je ne vais pas lancer le slogan « tous psychotiques », mais d'une certaine façon, mais quelle potentialité de création, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Je ne sais pas si, du coup, ça répond. Mais... Bonjour. Moi, j'avais une question, du coup, par rapport à ton exposé. C'est que, du coup, j'ai l'impression que d'un côté, il y a les psychotiques, d'un côté, les névrotiques. En gros, d'un côté, on est prisonnier dans un système, et d'un autre côté, on est exclu. Donc, où est la liberté ? Enfin, est-ce que t'as une proposition, ou quel est l'équilibre pour être à la fois, pour pouvoir prendre possession de ce qui nous entoure, rentrer en vrai contact avec les autres, en vraie interaction, sans être prisonnier d'un système, en étant libre, voilà. Donc c'est typiquement pour répondre à cette question que j'ai utilisé le cas de ce patient. Parce qu'il en est arrivé à la fin à s'autonommer. C'est-à-dire, il sait qu'il circule dans un monde de représentation et de semblant, mais il a choisi d'en être. Et du coup, il prend la place qu'il a choisie là-dedans. Et si, en rencontrant d'autres personnes, etc., il peut se déplacer. Mais c'est, voilà, il a réussi à s'autonomer lui-même là-dedans. Donc c'est forcément un travail énorme. Et il partait déjà de... Il n'avait pas décompensé. Enfin, voilà, il a failli sauter cette nuit-là par la fenêtre, mais il n'avait pas décompensé encore quand je l'ai rencontré. Il était dans cette phase de... Tout commence à perdre du sens. Mais donc, il a pu, à ce moment-là, en disant, finalement... C'est ça, la puissance du dire. C'est... En disant ce qui se passait pour lui, il a créé cet espace de nomination, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais... Donc ce serait ça, la possibilité de solution. Mais c'est pas encore le cas pour tout le monde, mais... Oui, il y a beaucoup de choses à essayer de mieux comprendre pour moi. Alors c'est des questions, déjà effectivement je perçois la confusion névrotique psychotique quoi, pour moi encore comme une confusion, mais bon. Alors il y a des mots que je voulais essayer de repréciser pour moi, est-ce que tu peux répondre au fur et à mesure? Tu as parlé un moment que du problème de la nature humaine. Est-ce que quand tu parlais de Lacan, je crois qu'il définissait le fonctionnement dans le discours dans lequel on s'inscrit, qui serait de l'ordre de la nature humaine ou de la nature sociale. Je n'ai pas bien saisi pour moi, mais que peut-être que moi. Hein. Tu as parlé aussi de l'acte de domination. C'est-à-dire que le fait de dire est forcément un acte de domination. Est-ce que c'est ça? Enfin, je veux encore une fois, c'est... Là, on est dans le... Je vais parler dans l'atelier d'hier, c'est-à-dire dans le monde idéal. Et ça rejoint aussi l'aspect du religieux, du lien créé par... ce discours, quoi. Religuer, quoi, relier. Est-ce que à l'époque où est-ce qu'il nous manque pas ce qu'il pouvait y avoir? Il nous manque beaucoup de choses qu'on a jeté avec l'eau du bain. L'initiation, les confréries, par exemple, est-ce que c'était pas des moyens aussi, l'initiation à certains âges qui continuent à se mener dans des sociétés plus traditionnelles que les nôtres, qui continuent quand ils sont là-bas à les inscrire dedans, mais quand ils sont ici à les déchirer encore plus. Est-ce que la notion d'initiation, de confrérie, ce qu'il faudrait pas, on parle souvent de jeux qu'on pourrait faire, est-ce que les jeux d'initiation seraient pas utiles à réinventer? Est-ce que ça a à voir avec la reconnaissance? Est-ce que c'est une auto-reconnaissance, je veux dire? C'est ça, hein? C'est le jour où on n'a plus besoin que les autres nous reconnaissent, qu'on se dit, bah finalement, merde, c'est pas mal quand même, et merde pour les autres, et à ce moment-là, on s'ouvre pas mal aux autres, non? Est-ce que c'est ça, s'autonomer? Alors, tu as été passé rapidement, enfin, tu as passé rapidement sur plein de choses. Créer serait donc, serait l'ordre de l'ordre du dire, donc. Et donc, à la fois du dire et de la décompensation, c'est ça? C'est-à-dire que quand on crée, ou quand on dit, on décompense quelque chose, ou quand on se déplace, parce que j'ai cru entendre que la décompensation pouvait arriver aussi à des changements très importants en soi, avec des troubles importants, c'est cet ordre-là, quoi, aussi. Tout ça, c'est le même domaine, créer, décompensation, dire. Je continue mes petites questions. Ça en fait beaucoup, peut-être mieux que je... Et c'est encore une fois par rapport à Lacan et au langage. Comme moi, j'ai eu longtemps des complexes avec le langage, mais que... Enfin, le langage écrit, déjà. Et qu'en même temps, j'ai été élevé dans le métier du spectacle, c'est-à-dire où on racontait des tas de choses. J'ai plus de mal à percevoir et analyser qu'à ressentir. Mais est-ce que finalement, c'est la même chose? Le ressenti, on perçoit les choses différemment. Est-ce que c'est de l'ordre du discours? Où on ressent les choses différemment? Est-ce que là, il y a dans le ressentir, est-ce qu'il y a aussi une part de discours? Est-ce que ça s'inscrit de la même manière? Ça fait partie encore des mêmes choses? Enfin, bon, je crois que je vais rester là parce que j'en ai encore quelques-unes. Ce sera pour la prochaine. Non? Ça suffit déjà? Lutte des classes. Oui, c'était juste pour préciser aussi que il parlait de ce changement de société et de la représentation du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai cru comprendre, pour avoir des enfants, pour avoir essayé de lire de temps en temps des trucs, pour essayer de comprendre pourquoi ils étaient assez différents, me semblait-il. Parce qu'effectivement, avant, il y avait un champ d'interdit qui était beaucoup plus clair. Il y a beaucoup de murs, par exemple la lutte des classes. On savait pour beaucoup d'enfants que, de toute façon, je parlais de ça avec une amie, elle a été élevée jusqu'à la dernière génération dans des familles qui, de toute façon, savaient qu'elle n'aurait pas accès aux études. Qu'aujourd'hui, dans une certaine mesure... Hein, C'est ici, et dans une certaine mesure, hein, je suis peut-être trop bourgeois pour voir autre chose, mais l'accès aux études est plus facile, si on peut dire. Et donc, au lieu de se buter contre ce mur de l'étude, on est obligé de faire ses preuves dans les études, et la pression, elle est beaucoup plus importante pour celui qui a à faire ses preuves que pour celui qui a un interdit, qui de toute façon le bloque. Il sait contre quel mur se battre, il sait contre quelle porte taper, mais quand la porte ouvre, il ne sait plus sur quelle porte taper, quoi. Et il n'y a plus qu'à taper contre lui-même, quoi. Bon, puis après, mais je dirais ça une autre fois. Je pense qu'il y a, mais c'est peut-être très très personnel, je pense qu'il y a un glissement vers dans la notion vers le religieux. Pour moi, c'est pas ce qu'on leur tend. Le désir de religieux, oui, est très fort, mais ce qu'on leur propose n'est pas du religieux. C'est du politique, c'est de la manipulation, comme pour moi l'Église et beaucoup d'institutions qui tout d'un coup commencent à régir l'apparition d'une foi et d'une structuration de la foi et du rapport à l'environnement et du rapport à l'autre, religuérer entre moi, enfin me relier avec l'autre, me relier avec l'environnement. On leur propose pas ça, on leur propose un mode politique et nous on nous a proposé un mode politique il y a à peu près 2000 ans au moment où justement le religieux et l'apparition du christianisme aussi a été récupéré par quelque chose de déjà structuré qui était les religions romaines archaïques qui ont donné lieu à la création de l'Église chrétienne apostolique et romaine et aussi à la justice telle qu'on la rend et telle qu'elle est organisée. Elles viennent toutes les deux d'un mode d'organisation déjà prédigéré par des gens qui étaient déjà souverains, qui faisaient déjà marcher une politique. Donc, voilà. Le glissement du religieux, il y a une envie de religieux, mais je pense aussi dans l'errance vis-à-vis des coachs, vis-à-vis des tas de choses, il y a un désir, il y a un besoin, mais en réalité, parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, on ne nous a pas servi le religieux. On nous a servi autre chose. La manipulation, ainsi de suite. Enfin bon, c'est un autre sujet. Merci. Donc, je te laisse répondre aux 12 questions de Jeff. Alors, déjà par rapport à névrose, psychose, il faut savoir que chez chaque être humain, il y a une part de névrose et une part de psychose. Sauf, enfin c'est ce que je disais, en fait, il y a... peut y avoir donc chez le névrosé des moments psychotiques. Exemple type, des rêves, les sentiments d'étrangeté, parfois qu'il peut y avoir ce qu'on appelle le déjà-vu. Ces choses-là peuvent faire partie des moments psychotiques. Pour le... Alors, ça c'était la première partie. Et... ouais. Par rapport à la nature humaine ça n'existe pas. Hein. Voilà. La nature humaine c'est un discours qui va définir justement... une certaine nature dans un champ, voilà, on circule dans un champ qui va nous faire penser que c'est une certaine nature. Donc la nature humaine, ça n'existe pas. Oui, le fait de dire comme acte de domination, c'est là où je disais, ça, voilà, pour que le dire s'impose en discours, soit il vient d'une force d'autorité, qui du coup, parce qu'elle a cette fonction symbolique d'autorité, va produire chez les autres sujets qui sont affectés par cette force-là. Bon là c'est plus du côté de Spinoza mais c'est pas grave. Donc va produire à ce moment-là chez eux une modification de leur représentation. Parce que, mais là du coup ça va avec la fin de ce que tu disais, comme ça je fais deux en une. Cette question-là où tu dis de la religion, très clairement, oui, les coachs, etc. Dans cette sorte de perdition entre plein de discours qui s'accumulent, il y a la demande d'un maître. D'un maître qui dirait ce qu'est le monde. Voilà. Alors, par rapport à l'initiation, du coup, la jeune fille tout à l'heure est partie, celle qui disait bah, comment est-ce qu'on peut faire là-dedans, et je disais donc s'autonomer. En fait, j'ai quand même oublié de dire que c'était quand même la fonction d'une psychanalyse, d'une vraie psychanalyse, c'est d'arriver au point où le monde n'a plus de sens, où on perd ce truc-là, donc c'est le traumatisme, quoi, très clairement, et à ce moment-là, par le dire, la personne va s'autonomer. Et donc, c'est aussi ce qui se passe dans les jeux d'initiation parce qu'on fait en sorte de perdre le sujet. Voilà. Dans le fait de bander les yeux, voilà, toutes ces choses-là. Alors, créer, décompenser, dire. Alors, décompenser, c'est pas créer. Décompenser, c'est le moment où ça chute. C'est le moment où, chut, ça disparaît. À partir du moment où ça chute, soit il n'y a rien qui se reconstruit, soit il peut y avoir une création ou un dire. Donc, il faut bien distinguer dans le dire du sujet par rapport à sa propre position, voilà, et le dire du côté du politique, je dirais, qui impose des représentations du monde pour une plus grande multitude. Voilà, c'est, j'appelle les deux dire parce qu'il me semble que c'est le même acte. Mais peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Alors, le ressenti est-il du discours ? Dans sa forme première, non. Mais à partir du moment où il arrive dans la conscience, il est pris dans des discours. Par exemple, je me fais ça, mon corps va sentir quelque chose, et hop, ça va monter dans une façon dont j'ai pensé. Enfin, voilà, le fait que bah, déjà, c'est une jambe. Déjà, c'est une jambe qui est touchée. Alors que donc déjà, c'est pris dans une certaine façon de se représenter son corps, etc. Oui. L'enfermement dans le discours. Tu disais, voilà, qu'il y a des murs qui se créent. Mais c'est aussi une protection, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est donc un moyen de se protéger, et en même temps, c'est un enfermement. Mais c'est... La question, en fait, vraiment, que je pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est peut-on s'en passer ? Est-ce qu'on pourrait imaginer un monde dans lequel on puisse circuler d'un discours à l'autre sans et tout en se sentant protégé ? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas répondre à la deuxième question, à la dernière. En fait, au début, lorsque tu as présenté ton exposé, moi j'avais le sentiment que c'est un va-et-vient perpétuel, en fait. Alors on s'adapte, et surtout si on a, alors ça c'est des choix, où on a ou on n'a pas un but de faire du collectif ou pas. Et là, les choses changent, quoi. Tu peux t'autonomer, enfin, à un moment donné, tu t'autonomes, et bon, tu peux exister pour toi-même. Mais c'est pas du tout évident, ensuite, de faire qu'il y ait un collectif avec un objectif. Et là, moi, en ce qui concerne la Nuit Debout, c'est un changement de société. Donc les interactions sont changeantes constamment. Il y a une réadaptation dont j'ai besoin moi-même en ce moment. J'étais au café avec Pierre je lui ai dit, écoute, on a fait Nuit Debout, mais il faut faire maintenant Nuit Couchée et Jour Debout, passer de l'inconscient au conscient, quelque part. Il y a quelque chose que tu as évoqué, c'est comme passage à l'âge adulte, à un moment donné, je ne sais plus à quel propos c'était dit. Il y a beaucoup de gens, je trouve, qui se sentent pas capables de contrecarrer le pouvoir, et y compris dans Nuit Debout, sauf en se mettant soit à part dans la société, donc on crée d'autres milieux, si tu veux, voilà. Je connais par exemple l'expérience d'un tel milieu qui est Longomaille depuis 40 ans à Fort-Calquier, où il y a encore 200 personnes ensemble, mais ça n'a pas fait changer le reste de la société. Donc on peut être collectivement entre certains gens, mais tout le reste du système évolue. Et donc, moi c'est plutôt... alors je vis, même si je ne sais pas exactement des moments de pression et de dépression, ce que veut dire névrose et psychose exactement, mais en tout cas il y a des plus, des moins, quoi. Et il y a des périodes comme ça où je ne sais plus comment avancer ensemble. Et donc je prends des vacances. Oui, c'est bien, parce que c'est quelque chose dont j'ai pas du tout parlé, cette question, enfin le rapport entre le rapport entre l'auto-nomination et le collectif. Alors, voilà, la réponse que je te proposerai, c'est à partir du moment donc, où on est sorti du discours, du coup, pour voilà, qu'on s'autonome en choisissant de circuler dans un certain discours, l'autre, dans ces cas-là, le rapport à l'autre, est vécu comme pure présence. Ce n'est pas un rapport de reconnaissance. C'est un rapport de pure présence. Et donc, dans ces cas-là, en fait, ça change tout. Parce que la question n'est plus de se comprendre ou autre. La question, c'est pas d'avoir un but. C'est par contre, du coup, comme on est des présences dans un espace commun, comment ces présences peuvent se partager cet espace et peuvent aussi rentrer en interaction les unes les autres. Mais du coup, ça se pose plus sous forme de présence de corps. Voilà, il y a des corps en mouvement. Voilà. À partir du moment où il y a ça, on n'est plus que des corps en mouvement. Donc, je voudrais juste rebondir déjà sur ce que disait Didier sur l'imitation. L'imitation, c'est pas spécialement la folie, quoi. C'est le début de l'apprentissage, c'est l'identification, voilà, c'est pour rebondir sur l'imitation qui avait l'air d'être un peu d'avoir une connotation un peu du côté de la psychose ou du psychotique, d'après ce que disait Didier, si j'ai bien compris, je sais pas. Sinon, pareil, c'est la façon dont tu définis la science, tu faisais un rapport entre la science et la religion, et tu parlais de la science qui serait la vérité, une vérité formelle. Je sais pas ce que tu as dit exactement, là. J'aimerais bien que tu développes, parce que moi, c'est pas clair, ça. J'ai pas bien compris, quoi. Bon, évidemment, la religion, c'est vrai qu'elle donne du sens à un espèce de truc même totalisant, hein, puisque Dieu a réponse à tout, et ça donne aussi une importance aux croyants, puisque le croyant, tout d'un coup, il a un Dieu qui s'occupe de lui, quoi, une personne extraordinaire qui s'occupe de lui, et donc il devient super important, puisqu'il y a une personne super importante qui s'occupe de lui, qui va voir s'il fait le bien ou le mal, etc. Hein. Donc, alors qu'évidemment, en dehors de la religion, on n'a pas ça. Mais là, c'est le rapport science-religion. La religion ça, et la science, ça n'a rien à voir. Hein. La religion, c'est un système totalisant, qui est toujours vrai, alors que la science, c'est juste voilà, des observations, des expériences, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. C'est ce que Karl Popper appelle le falsifiable. Donc ça peut, on a une théorie, elle fonctionne, à un moment donné, à un moment d'après, ça peut ne plus fonctionner, il suffit qu'il y ait une autre découverte qui l'invalide, etc. Voilà, enfin bon bref, pour faire vite pour la science, quand moi je vois ça. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques un peu ce que tu entendais par, dans la science, ce serait une vérité formelle. Moi c'est vérité falsifiable, j'aime bien le côté de Karl Popper, le côté l'épistémologie, quoi. Et après, ouais, aussi tu parlais de... Tu parlais de la perte d'autorité. Alors tu disais en fait qu'en fait a priori, alors si j'ai bien compris, il y aurait plus de plus en, alors donc tu étais en accord avec avec le discours qui dit que ce serait une espèce de perte, comme l'autre fois là, le monsieur qui était venu parler du nom du père, quoi. Alors donc on serait dans une espèce de forclusion du nom du père généralisé. Enfin, moi je connaissais le discours nous sommes tous des névroses et légers de Freud. Je connaissais aussi quand Lacan il parle des philosophes, par exemple il parle de psychose réussie. Mais alors je comprends pas trop là ton discours de dire voilà, on deviendrait tous, enfin il y aurait de plus en plus de psychotiques, quoi. Je parlais de forclusion du père du nom du père généralisé. Enfin voilà, j'aimerais bien que tu développes tout ça, s'il te plaît. Alors déjà, j'ai pas mis en parallèle la science et la religion, hein. pas du tout. Hein. Simplement, ce que j'ai dit par rapport à la science, c'est que elle a changé le rapport à la vérité, dans le sens où je disais par exemple l'autorité religieuse, philosophique et souveraine, quand elle créait des énoncés, c'était le fond de l'énoncé qui était la vérité, c'est-à-dire il fallait que quelqu'un soit en position d'autorité pour dire ce que je dis là est vrai. Alors qu'avec la science, ce n'est pas ceux qui ce que je dis là est vrai parce que je suis en position d'autorité pour le dire, c'est la forme, c'est la forme des énoncés qui fait que ce qu'il y a à l'intérieur est vrai. Donc il n'y a pas un auteur pour définir. C'est le principe de la méthode scientifique qui permet d'accéder à des vérités. C'est la méthode en elle-même. Bon, t'es pas d'accord. Non, merci. Oui, tu veux pas que je finisse sur le nom du père ? Alors, c'est pas pour rien que je n'ai pas utilisé le mot forclusion et le mot nom du père. J'ai utilisé le mot signifiant zéro à la place du nom du père. Parce que le nom du père, c'est précisément valable dans un type de discours. Donc, dans le discours, d'ailleurs, Lacan, à la fin de son enseignement, parle de signifiant zéro et puis du nom du père. Et en plus, le terme de forclusion, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, c'est aussi problématique. Donc, c'est pour ça que je n'utilise ni l'un ni l'autre. Et alors, actuellement, en fait, quand je te regarde et que tu me dis non, du coup, ça me fait perdre mes idées. Mais bon, voilà. Par rapport à la forclusion du nom du père, c'est ça que je veux dire. Juste la forclusion, c'est pas un manque, c'est qu'il n'y a pas eu de... Donc il n'y a même pas de manque, quoi, en fait. Et pour revenir à la science, c'est pas formel, il y a un rapport au réel. Faut que ça fonctionne. C'est pas simplement un discours, la science. La science, il y a un rapport au réel. Ton téléphone portable, quand tu téléphones à quelqu'un, ça c'est ton téléphone portable, d'accord ? Ton téléphone que tu utilises, c'est de la science appliquée. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Des fois, non, je connais ce discours. Mais quand tu utilises ton téléphone, d'accord ? Ton téléphone, tu appelles quelqu'un, c'est pas du délire. La personne à qui tu parles, c'est du réel. C'est-à-dire qu'avec la science appliquée, tu as réussi à faire des téléphones. Un téléphone que tu balades comme ça dans la nature et que tu arrives à téléphoner à quelqu'un qui est à 10 km de toi, tu vois. Ça fonctionne. Il y a un rapport au réel. La science, c'est pas que du discours. C'est pas qu'une théorie. C'est une théorie qui fonctionne, mais avec du réel. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de falsifiable. C'est une théorie qui fonctionne avec le réel. C'est pas que du discours. Voilà. Et la forclusion, voilà, t'es pas dans le manque puisqu'il n'y a même pas eu de... c'est le mot forclore, quoi. Et c'était juste pour dire, voilà, est-ce qu'on en arriverait est-ce que tu adhérais à ce discours? Bon, on enlève le mot forclusion, etc., le nom du père, si tu veux, mais est-ce que tu adhères au niveau de ce discours où il y aurait une perte d'autorité et que, en fait, on arriverait à un monde où il y aurait de plus en plus de psychotiques, c'est ça? Enfin, je sais pas, j'essaie de comprendre ce que tu dis, en fait. Hein. Ce que tu dis, là, vive les psychotiques, vive la création, enfin... je trouve ça un peu psychotique, vive la création. Psychotique, c'est pas que de la création, hein, c'est de la souffrance, c'est plein de choses, enfin, je sais pas. Voilà. Tu veux répondre ou je reprends une autre? Alors, la psychose, c'est pas forcément de la souffrance. J'ai bien distingué au début que... voilà. Donc, oui, dans un sens, je peux répondre oui à ta question dans le sens où il n'y a plus le même rapport à l'autorité, très clairement. Mais pour moi, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas je dis pas ça de façon négative, quoi. Voilà, ce qui est très différent du discours de la dernière personne. Donc, est-ce qu'il y aurait plus de psychose? Encore une fois, hein, c'est en termes de structure, de rapport au langage. Eh bien, peut-être. Alors, moi, je voulais revenir sur la question que tu as posée tout à l'heure. C'est comme quoi tu souhaiterais... Enfin, tu demandes est-ce qu'il pourrait y avoir un monde où plusieurs types de langages pourraient vivre ensemble, etc. Et moi, par rapport à ça, j'ai une réflexion qui rejoint un petit peu la distinction entre science et religion. En partant de Lacan, quand il dit l'inconscient est structuré comme un langage. Donc on part du langage. Moi, je vois deux types de langage. Je vois le langage scientifique qui peut produire des vérités dans le sens de vérité finie, et le langage alphabétique qui, lui, ne peut pas produire de vérité. Alors pourquoi? Parce que le langage mathématique repose sur un nombre infini de nombres qui, face à des problèmes, aboutissent sur des nombres finis de résultats. Par exemple, si on demande combien font 1 plus 1, donc il n'y a qu'une seule réponse possible. Donc là, pour moi, c'est une vérité. Par contre, dans le mode alphabétique, dans le langage alphabétique, la structure, c'est un nombre de lettres finies, hein, les nombres de l'alphabet, qui peuvent, sur n'importe quelle question, produire une infinité de mots, de phrases, d'énoncés, de discours. Donc là, pour moi, il ne peut pas y avoir de vérité de l'ordre du langage alphabétique. Donc pour moi, tout ce qui est de l'ordre du langage alphabétique ne peut pas aboutir à une vérité. Et donc, à partir de là, toute forme d'expression, d'énonciation alphabétique, je l'assimile à de l'art. C'est des harmonies, en fait. Ça fonctionne, c'est harmonique ou pas, cohérent ou incohérent. Mais en aucun cas, il n'y a de vérité alphabétique finie. Donc pour moi, il n'y a pas de vérité. Et donc, à partir de là, moi, je suis ouvert à toutes les formes de discours, précisément parce que j'appréhende le langage alphabétique comme un art. Et en art, il n'y a pas de vérité. Hein, y a du, voilà, je veux pas non plus entrer dans le relativisme absolu, hein, mais voilà, enfin moi c'est une des solutions que je propose. Par contre, concernant la psychanalyse, et notamment la psychanalyse lacanienne, personnellement je ne l'assimile pas à une science, précisément car c'est un discours qui fonctionne sur des mots. Donc pour moi, la psychanalyse, ça n'est pas une vérité. Pour moi, c'est une superbe harmonie alphabétique. C'est super cohérent, c'est magnifique, le ça, le moi, le simple, c'est extraordinaire, j'adore. Mais en aucun cas, je reçois cette connaissance comme une vérité. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Hein. Pour moi, la psychanalyse, c'est pas du tout une science. Hein. Mais ce qui m'intéresse par rapport à la psychanalyse, c'est pas forcément la théorie qu'elle produit. C'est ce qui se passe dans une analyse, justement cet acte de nomination qui peut se passer dans l'analyse. Du coup, je voulais repartir sur ce que tu avais dit. Juste en fait, la question que je pose, c'est est-ce que la norme, ça pourrait être la psychose ? Ça m'intéresse. Voilà. Parce qu'actuellement, la norme, c'est la névrose. Et par rapport au langage mathématique, bah, ça, c'est peut-être justement du signifiant. Pur. Voilà, tout à fait. Parce que c'est-à-dire n'est pas en rapport avec une représentation, avec la chose, quoi. Alors, je passe juste la parole à Bruno, parce que du coup, il n'a pas encore parlé, et après, je reprends. Donc, tout à l'heure, il était posé la question, est-ce qu'il y a plus de psychose aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'il en ait forcément plus, peut-être. Ce qui se passe surtout, c'est qu'il y a de plus en plus de comportements et d'états d'esprit qui sont identifiés comme des psychoses, à tort ou à raison, beaucoup plus de comportements qui avant étaient considérés comme erratiques simplement ou hors normes sont identifiés maintenant comme des psychoses, ce qui fait que statistiquement il apparaît plus de psychoses. Et une petite précision aussi sur le discours scientifique. En science, contrairement à la religion ou à la politique, la science n'apporte pas une vérité. Un scientifique ne peut que dire: en l'état actuel de mes connaissances, des connaissances de mes collègues, nous pensons pouvoir dire que ceci est vrai. Cela dit, si quelqu'un m'apporte la preuve du contraire, j'en serais très heureux. Et c'est une différence qui est énorme. Et pour le téléphone portable, c'est de la technologie, non pas de la science. Tu veux réagir ou... Non, juste sur la première partie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, c'est-à-dire... Alors là, c'est peut-être là où je serais pas d'accord, c'est on définit de plus en plus de pathologies. Et c'est pas forcément parce que par exemple le terme psychose est presque en train de disparaître du registre justement pathologique de la norme de comment il s'appelle le fameux manuel de psychiatrie là. C'est marrant qu'il m'échappe. Bon, enfin bref. On définit voilà les pathologies borderline, le DSM, merci, Diagnostical System Mental Disorder, un truc comme ça. Et donc voilà, on diagnostique de plus en plus de pathologies, donc de choses qui s'éloignent, enfin qui partent dans un rapport à la norme. Mais je ne suis pas sûr qu'on dise il y a de plus en plus de psychoses. Et surtout, si jamais il y a ce discours-là qui circule, ce ne sera pas en termes de structure comme moi je l'ai posé. Ce sera dans le terme de déviance de la norme. Et moi, je ne définis pas du tout la psychose comme une déviance de la norme. Merci. Alors, moi, comme je suis un esprit pratique, j'essaie de trouver des solutions, même s'il n'y a pas de problème, surtout s'il n'y a pas de problème. Alors, tu as parlé de pure présence. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je l'ai rattaché à ce que disait Edgar Morin, que j'aime beaucoup, que l'homme est naturel par culture et culturel par nature. C'est-à-dire que nous, l'homme, indépendamment comment dire, du monde où il existe, de son environnement, il n'existe pas. On croit qu'on existe à travers le corps, ce corps physique, mais par exemple, s'il n'y avait plus d'air autour de nous, on n'existerait pas. Donc c'est toute la Terre, c'est toute la planète, donc c'est tout le système solaire, c'est nous. Et ce que, comment dire, ce qui est important, c'est ce qui est en train de se passer, disons, qu'on identifie comme pathologique. Je pense c'est qu'on est en train de devenir libre. Le problème, c'est qu'on ne veut pas tous être libre, mais on le devient même si on ne veut pas. Et le problème, c'est ce qui aussi qui manque quelque chose d'autre qui est nécessaire à la liberté. C'est ce qui permet de ne pas se protéger, parce que tant qu'on se protège, on a des problèmes. Et ce que j'ai appelé l'autre jour l'amour-tendresse. C'est-à-dire l'amour ne va pas sans la liberté, la liberté ne va pas sans l'amour. Et à partir du moment où on est tous vraiment libres, c'est-à-dire par exemple libres de créer la distance qu'on veut avec toutes les personnes qu'on rencontre. C'est-à-dire je peux me sentir très proche de quelqu'un, et quelqu'un qui est là à un mètre de moi, je veux l'exclure complètement. Pour moi, si je veux, il n'existe pas. Mais c'est toujours de l'amour. Aussi bien celui que j'inclus que celui que j'exclus. Parce qu'il y a toujours quelque chose que je ressens. Parce qu'il fait partie de mon univers, pas de l'univers même. Bah, par rapport à la pure présence, c'est pas très clair pour moi encore. Donc je vous en reparlerai une fois, ce sera plus clair. C'est parce que c'est assez problématique même, parce que du coup ce serait un rapport au réel. Mais ce qui pour avoir un rapport au réel, il faudrait être sorti du langage. Donc à ce moment-là, il y a une sortie du langage, mais j'y crois pas trop. Voilà, donc je ne sais pas trop quoi en faire. C'est en cours, travaux en cours. Voilà, attention, ça glisse. Alors par contre, sur ce que tu as dit, c'est très intéressant parce que cette question, oui, plus de liberté d'une certaine façon, oui. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir de quelle façon dans le monde, il y a de plus en plus de politiques sécuritaires qui se mettent en place. Voilà, se protéger. C'est parce que cette protection-là dont parlait tout à l'heure Jeff, de se créer des murs, finalement, ce sont des murs de discours, mais qui nous protègent aussi un peu de l'autre, un peu du monde, un peu de... Et là, comme ça s'est peut-être un petit peu dispersé, ou en tout cas, c'est moins présent... Du coup, la protection, il faut qu'elle vienne en vrai, quoi. Voilà. Et c'est intéressant, du coup, de le penser de façon politique. Voilà, comme de penser le retour du religieux aussi par rapport à ce que je peux avancer. Bon, ça, c'est aussi des choses qui sont critiquables, hein, bien sûr. Oui, à propos de la science... la science atteint la réalité. Le Newton avait raison jusqu'au moment où Einstein s'est pointé, mais Newton reste vrai dans un domaine plus local. Il est enveloppé par la relativité, mais les théories de Newton restent valables. Elles restent valables à l'échelle locale. Et elles deviennent fausses à l'échelle cosmique. Mais c'est quand même... Les deux sont dans le vrai, suivant qu'on est dans le local ou dans le général. Alors, pour ce qui est de Nuit Debout, on commence à savoir maintenant qu'il y a des conflits entre nous qui n'étaient peut-être pas perceptibles. Ces conflits n'étaient peut-être pas perceptibles au début, tellement il y avait de monde, qu'on était tellement ahuris qu'il y ait du monde, qu'on pensait pas qu'il y ait des conflits possibles. Et donc, moi je suis très, très ahuri que la psychanalyse prenne une place que j'aurais pas imaginé une seconde qu'il y avait une place pour la psychanalyse. Mais c'est bien évident que on est en charge de dénouer des questions qu'on n'arrive pas à résoudre pour sur un certain nombre de points. Et donc dont j'espère que la psychanalyse va pouvoir nous filer un coup de pied au cul et à la tête. La psychanalyse, un coup de pied au cul, ça c'est sûr. On a besoin de se révolter et un bon coup de pied au cul, ça nous fait tourner sur nous-mêmes, c'est bien. Oui, je suis toujours moi dans cette espèce de contradiction entre nommer et sentir, quoi. Quand tu dis qu'on pourrait faire les choses sans un langage, ça voudrait dire que au lieu d'être dans la formulation, on serait dans. Enfin bon, ça s'oppose pour moi un peu cette histoire de langage à cette notion de senti. Alors quand tu dis, je vais dire les choses en vrac, j'avais fait un truc, mais quand tu parles de ressenti, mais il faut absolument que je fasse un truc là-dessus par rapport à ce que moi j'ai fait. Enfin bref, avec le métier d'acteur, comment on vit cette chose-là, quoi. Il y a un phénomène qui est d'abord le ressenti, c'est-à-dire que tu prends vraiment un coup sur la gueule, l'émotion. Tu te rends compte que tu t'as pris un coup sur la gueule. Le sentiment, c'est qui commence à te dire « Mais j'ai pris un coup sur la gueule !» Tu vois. Et après, éventuellement l'action. Alors après, il y a jugement, loi familiale, qu'est-ce que je veux dire, réglementation locale, tradition, et ainsi de suite. Tu vois, il y a tout ça qui fait que tout d'un coup, hop, tu lui mets une bague ou pas. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu réagis du sapin. Alors, il y a quelque chose qui part de toute façon, un ressenti qui nous échappe, hein, qui n'est pas formulé. J'ai l'impression que dans tout ce questionnement qu'on se pose, c'est surdéfinir notre. C'est nous définir en tant que pensée. Mais effectivement, en tant que science, on touche, comme il dit, le réel. Moi, je rejoins le camarade avec sa notion du scientifique. On est dans le réel. Putain, écrase-moi une clope sur le bout du pied, je suis pas dans le. Avant que ça se formule, je le ressens, quoi. J'ai quelque chose que je sais. Bon, enfin voilà, quoi. Alors, je vais aller à l'inverse, je vais récapituler les petites choses que j'ai passées. Alors, je te dis, pour moi, le religieux, c'est d'abord, ça nécessiterait certainement de prendre le temps d'en parler, ça vaudrait le coup qu'on mette les pieds là-dedans. Moi, je te dis deux choses. Je suis assez croyant, je ne vais pas expliquer à quoi je crois. Hein. En tout cas, ce à quoi je crois, ça m'oblige en permanence à me poser des questions et à me mettre en question, quoi. Et effectivement, ce supérieur que je le sens comme... je crois au supérieur... Comment j'ai écrit? Attends. Je participe du supérieur. S'il y a supérieur, c'est en tant que je participe du supérieur. Voilà, non, ça ouvre sur d'autres choses, quoi. Le supérieur... Voilà, en définant, je crois que j'ai tout dit. Oui, ressenti, émotion, quoi. Voilà, cette espèce de. Est-ce qu'il y aurait le domaine du langage, quoi? Parce que nous, on est en pensée et on existe et on a conscience de ce qui nous arrive que parce qu'on a la pensée. Bon, c'est mon histoire de Teilhard de Chardin. Avant ça, il y avait l'apparition de la protéine, qui était complètement différente de la création des molécules précédemment. Et c'est des niveaux de réalité un peu différentes quand même, non? Voilà, bon, bref. Je sais pas. Oui. Vous revenez sur le point que je n'ai pas encore élaboré, alors je peux toujours pas vous répondre sur cette pure présence et absence de langage. Mais je vais simplement dire une chose par rapport à ça. C'est une fiction de la même façon que quand Rousseau définit l'état de nature. Voilà, où il dit, ça, c'est une fiction, la façon dont je le pose, c'est simplement pour m'aider à penser maintenant l'état de culture. Mais il n'a jamais existé, cet état de nature. Bon, imaginez que demain, on puisse se retrouver sans langage dans un rapport réel à l'autre, c'est une fiction. Ça n'existera pas. À partir du moment où on est traversé par le langage, on ne peut pas arriver à s'en passer, quoi. Donc je ne sais pas si ça répond... On ne peut même pas l'imaginer, mais absolument, absolument. Mais j'y mets force quand même, je sais pas pourquoi. Mais j'ai envie, j'aime bien. Alors, oui, t'as dit quelque chose par rapport au jugement, et ça m'a fait tout de suite penser au stoïcisme en fait, parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il... Enfin voilà, la psychanalyse s'est beaucoup appuyée sur le stoïcisme hein, d'ailleurs. Ce que disent, bon, pas tous les stoïciens, mais je ne sais plus exactement qui là-dedans, mais enfin certains stoïciens, c'est qu'en fait, tout ce qui crée les conflits, le malheur chez l'être humain, bah, toute cette philosophie-là, enfin à ce moment-là, c'était rechercher le bonheur, quoi. Donc, c'est que en fait, quand tu reçois quelque chose, c'est pas ce qui se passe, quand tu perçois, pardon, c'est pas ce qui se passe qui te fait être mal, c'est le jugement que tu portes sur ce qui t'arrive. Donc, quand on dit le stoïcisme, c'est se détacher du monde, etc., mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est au contraire être en affection directe avec le monde et par contre se dégager du jugement par rapport à ce qu'on ressent dans les choses. Un exemple, ton fils meurt. Il est mort et tu as tout le jugement. Tout le jugement, donc en fait, c'est ce que moi j'appellerais le discours, le jugement. Mais pas. On regarde le jugement. À ce moment-là, voilà, tu peux te dire, par exemple, ah, mon fils, il aurait pu faire ça et ça et ça et ça. Et il y a plein de trucs qui viennent avec. Et puis en plus, je lui ai pas donné ça. Et puis, voilà, on y va. Tout ça, c'est du jugement. Mais en attendant, le fils est mort. Tu es affecté. Les stoïciens ne diront jamais, ton fils est mort, tu t'en fous. Non. Tu es affecté profondément dans ton corps par la mort de ton fils. Prends cette affection, cette douleur en toi. Sens-la, vis-la. Mais ne t'accroche pas au jugement. Parce que ce jugement-là ne pourra que te détruire et t'empêcher en plus de vivre pleinement l'affection qu'a produit chez toi la mort de ton fils. Donc, c'est, je sais pas pourquoi j'en suis venue là, mais enfin voilà. C'est ça. C'est parce que c'est Jeff qui t'a posé des questions. Du coup, oui, juste pour info, comme ça, il y a le prochain intervenant qui sera pas là en fait. Il y avait un petit contretemps, donc il pourra pas venir aujourd'hui. Donc, si on continue comme ça, on a déjà bien dépassé sans trop s'en rendre compte, mais comme vous voulez. Alors, ouais, du coup, on va juste au moins prendre des tours de parole, peut-être. Au moins prendre des tours de parole. Bonjour, je suis Isdef. Aider les gens. Beaucoup aider les gens sur IDF, et beaucoup aider les gens, toutes les personnes qui ne sont pas sur IDF, mais beaucoup aider les gens. Beaucoup aider les gens. Et puis, beaucoup. Moi, je suis IDF, je suis dehors sur un banc, mais je veux beaucoup aider beaucoup les gens. Si je peux aider beaucoup. Et je vous souhaite. Toutes les personnes qui sont là. Et j'aimerais bien. Beau courage. Et ce que vous faites pour nous, tout ça. Et puis, je sais pas quoi dire. Mais moi, je suis dehors aussi. Mais et c'est bien que vous faites. Mais beaucoup de gens. Moi, respect. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage, tout ça que vous faites. Et c'est beau courage. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous aussi. Je ne sais plus exactement comment. Tout à l'heure, il a été question que la psychanalyse vienne au secours des conflits de nuit debout, etc. Alors moi, ça m'a fait penser à l'origine de la psychanalyse, notamment freudienne, ou qui est beaucoup inspirée par la philosophie grecque, et notamment par Platon, avec le mythe de la flagellée dans le banquet. Pour Platon, l'âme est constituée d'un cocher avec un attelage et deux chevaux, un cheval blanc vertueux et puis un cheval noir extrêmement téméraire. Et alors le cocher doit justement apprendre à guider cet attelage pour pouvoir contempler le monde des idées, etc. Donc tout ça, rapporté à la psychanalyse, ça nous donne le moi, hein, qui est le cocher, le ça, qui est le cheval noir, et puis le surmoi, qui est le cheval blanc. Alors on peut reprendre aussi la fameuse dialectique du banquet, qui rejoint parfaitement ce qu'on appelle la sublimation en psychanalyse. Et là où la psychanalyse pour moi est très importante, c'est qu'elle apporte en fait, elle donne un rôle très important au discours et à l'oralité et à la discussion. À la différence que par rapport à la sagesse grecque, c'est que cette discussion, cette oralité était vécue en commun. C'est-à-dire que sur la place publique, on parlait, on discutait, les citoyens échangeaient et d'une certaine façon se guérissaient les uns les autres en s'exprimant, en partageant leurs mots, etc. Alors que la psychanalyse, d'ailleurs, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle individualise la névrose. Et d'ailleurs, que dit Freud sur la religion ? Il dit la religion est une névrose collective qui permet au sujet de s'éviter de guérir d'une névrose individuelle. Donc du coup, la sortie du religieux crée en fait la nécessité de guérir de névroses individuelles. Et donc du coup, d'aller voir un psychanalyste qui va nous guérir individuellement. Alors moi je pense que là où Nuit Debout est intéressant, c'est qu'il réactualise en fait, d'une certaine façon, l'éthique grecque, je dirais, ancestrale, qui permettait justement une oralité commune, et de façon de se guérir en commun et ensemble, sans avoir besoin d'aller payer, disons, une facture chez un psychanalyste. C'est à moi ? Donc moi c'était juste, j'avais deux remarques à faire là. J'en avais, la première c'était sur le langage. Donc le langage, le problème du langage c'est que le langage il fonctionne pas en vase clos quoi. Le langage, justement c'est tout à l'heure tu as parlé de signifiant, il y a aussi le signifié quoi. Il y a le langage, ce à quoi il... Parce que le langage, c'est pas que de l'alphabet et qui un truc qui tournera en vase clos. Le langage, il réfère à des choses. Il dénote, enfin, c'est vrai que tout à l'heure, c'est vrai que t'as parlé du signifiant, mais pas du signifié. Et c'est important, quoi. Le langage, il renvoie à des choses, réelles, il renvoie à des idéalités, il renvoie à plein de choses, et il est pas quand, voilà, c'est pour ça que bon, voilà, c'était juste une remarque sur le langage tout à l'heure, sur ce qu'on disait sur le langage. Donc le langage, il tombe pas en vase clos. Et une autre chose, une autre remarque que je voulais faire aussi sur les stoïciens. Une chose qui est importante chez les stoïciens, si on veut bien comprendre les stoïciens, c'est, dès le départ, il y a deux choses. Il y a chez les stoïciens, il y a les choses qui dépendent de nous et les choses qui dépendent pas de nous. Voilà. Et c'est après, voilà. Donc c'est là où c'est la base de la philosophie stoïcienne. Donc les choses qui dépendent de toi, tu peux faire des choses, tu peux arriver à les modifier, etc. Et les choses qui dépendent pas de toi, ça sert à rien de te prendre la tête. Voilà. Moi, je prenais un exemple pour expliquer ça. C'était l'ascenseur. Le mec, il appuie sur un ascenseur et l'ascenseur, il n'arrive pas, il s'énerve. Il n'est pas stoïcien, parce que là, l'ascenseur qui s'énerve ou pas, ça sert à rien, il n'arrivera pas plus vite, voilà. C'est ça les stoïciens. Après, bon, ça se complexifie, voilà. C'était juste deux remarques, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, les choses qui dépendent de nous, c'est les jugements. Donc, c'est l'action peut être là-dessus. Par rapport au signifié, c'est tout simplement le discours prend les signifiants pour en faire les signifiés. Voilà, c'est dans ce sens-là que je l'aurais dit. Oui. Alors, mais moi, je veux pas du tout de la psychanalyse à Nuit Debout. Hein. Surtout pas, n'allez pas toucher d'un cabinet. Mais par contre, ce que je trouve très intéressant, en effet, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le sens où là, on est en train d'expérimenter quelque chose de différent. L'affection qu'on peut se porter les uns aux autres et de quelle façon ça circule, enfin ça, mais c'est... Jeff en parlera encore mieux que moi, c'est ce qu'il appelle Nuit Debout dans Nuit Debout, c'est-à-dire ce qui se crée en interne là-dedans qui est différent de Nuit Debout par rapport à la société, ce qu'elle construit. C'est ce qui se produit ici, il se produit quelque chose de vraiment intéressant et... je vais mettre une petite hypothèse comme ça, mais vous allez tous me sauter dessus. Non, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu justement cette confrontation des discours par rapport à tout ce que j'ai dit, etc., et ben ça n'aurait pas été possible que quelque chose comme ça se produise ici. Je ne sais pas, mais ça, je viens d'y penser comme ça. Oui, au niveau des langages, c'est vrai qu'il y a des conflits qui ne sont pas terminés, mais je pense que hors du langage, il faudrait analyser pourquoi on tient à Nuit Debout. Ça ne s'exprime pas obligatoirement par des mots. Non, je suis sûr que je... Il est revenu. justement, moi, je voulais. Je voudrais reparler du langage. Qu'est-ce que c'est le langage? Est-ce que. Justement, c'est par exemple. Je peux rencontrer quelqu'un qui a mal quelque part, qui souffre, et qui ne va rien me dire. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, ça ne se fait pas de se plaindre. Il faut toujours être le plus fort, le meilleur, etc. Mais moi, je peux le voir, je peux le ressentir. Vous avez beaucoup parlé de ressentir. Et à partir de là, je vais sentir le mal de l'autre. Et sans rien lui dire, je peux lui faire comprendre que j'ai compris, que je sais qu'il a mal. Et en parlant d'autre chose, ou même sans parler. Ouais. Attends. Oui, ben ça. Point technique, nous allons sous la bâche. Nous allons demander aux gens qui sont sous la bâche de nous faire une petite place. Si quelqu'un peut soulever le micro. Nous allons avancer ensemble. La la la la la. Voilà. Bonjour messieurs dames de la bâche. Ouais, vous pouvez participer au débat aussi hein, si vous voulez. C'est sur la psychose. Ouais, je sais pas ce que ça vous inspire, mais je suis sûr qu'il y a des trucs intelligents à nous dire. Oui, je disais, on parlait aussi de la science. Maintenant, quand pour définir quelqu'un de malade, il faut faire un tas d'examens, de passer dans un tas d'appareils, de mesures, et surtout mesurer que des quantités, c'est-à-dire de sang, de lymphe, de combien il y a de globules rouges, etc. Mais il n'y a pas que les quantités qui comptent, c'est la qualité aussi est importante. Même la science reconnaît que l'être humain est une espèce de pile électromagnétique. Il y a beaucoup de vibrations, d'ondes qui émanent de nous-mêmes. Et ça, on peut le ressentir, on peut l'interpréter. Et c'est un langage aussi. Et quand on ressent quelqu'un qui est malade, ça, faire comprendre qu'on a compris, et par exemple l'embrasser en émettant quelque chose. Et on peut le guérir sans avoir parlé. Oui, absolument. Il y a plein de choses qui circulent entre les êtres humains, et pas que les êtres humains, entre les êtres vivants, qui n'est pas du langage. Ça, c'est... Oui, pardon, qui n'est pas de la langue. Depuis tout à l'heure, il a beaucoup été parlé de science et du fait de nommer, de s'autonommer. Et ça m'a rappelé que la première tentative d'approche scientifique du monde, que l'on connaît, par l'archéologie, elle date des Sumériens. C'est la première civilisation qui a laissé des traces d'écriture dans l'histoire de l'humanité. Et cette démarche scientifique, c'était tout simplement de faire des listes pour nommer les choses. C'est un problème que le problème qu'on aborde actuellement, il est ancien et déjà depuis très longtemps, les civilisations successives ont essayé de trouver des réponses. Et la première réponse qui a été trouvée justement était de nommer. Oui, n'hésitez pas à vous asseoir sous la bâche, c'est bien aussi. Juste. Du coup, c'est un peu compliqué parce que j'ai absolument pas entendu ton intervention. Mais voilà, on va quand même essayer de parler. Du coup, j'aimerais rebondir effectivement sur le petit passage là sur Nuit Debout. Et effectivement, et je pense qu'on le rencontre tous ce problème, c'est qu'on est à la fois en train d'essayer de construire quelque chose, qu'on essaye d'avancer, et on a parfois des gens qui viennent nous parler ou qui veulent parler au micro ou qui des fois prennent le micro des mains et qui viennent exprimer une sensation, une douleur, un mal-être. Et c'est vrai que c'est délicat, Et c'est comme dans tout, c'est malheureusement ces métiers ou dans le milieu associatif où des fois vous avez affaire à, tous les jours à des malheurs en face de vous, on vous raconte des choses, on pleure devant vous et c'est assez difficile et malgré vous en fait vous faites une espèce de carapace parce que vous êtes obligé. Et du coup c'est très particulier cette sensation parce qu'effectivement on n'est pas entre guillemets on n'est pas psy. Moi j'ai pas la prétention de l'être, mais parfois les gens dans les associations quand on leur parle etc, on est un peu obligé de faire office de psy en tout cas, ou de confident ou d'écoute ou des fois de chevalier blanc puisque j'ai entendu parler de cheval. Et je le retrouve aussi dans le militantisme, forcément, ça, dans le militantisme syndical, notamment, quand vous êtes sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a entendu souvent, ici, à Nuit-Debout ou ailleurs, des militants qui étaient un petit peu en bout de course, ou qui étaient très très fatigués, ou même dans un état de santé, des fois inquiétant. Et on en a tous, on en connaît tous, je pense, autour de nous. Et c'est vrai que c'est délicat, voilà. C'est qu'à la fois, malheureusement, il y a des fois, on peut pas être dans cette notion-là, mais la réalité du terrain nous revient. Et c'est vrai que ce que je voulais dire aussi, alors je sais pas si tu en as parlé, Adèle, mais le grand truc à la mode, c'est la thérapie. On fait des thérapies partout, on fait du coaching partout. Et moi, ça m'embête un peu ce côté-là. Parce qu'encore une fois, alors je fous le mot capitalisme à toutes les sauces, mais pour moi c'est un peu une sorte de capitalisme aussi, c'est-à-dire que c'est un peu de la mise en concurrence de entre guillemets de morale. Et il faut toujours être au taquet, il faut toujours être bien, il faut toujours être le meilleur, etc. partout. Donc on vous coach à droite à gauche. Et en fait c'est de la quelque part c'est une espèce de psy de bas étage. Et enfin moi en tout cas moi ça m'inquiète. Alors je sais pas trop. J'atterris sur une souris et j'ai pas vraiment de questions en fait. Mais du coup, voilà, c'était un partage de pensées comme ça un peu à l'arrache. Non, la seule chose que je voudrais ajouter à ce que tu as dit, il n'y a pas besoin d'être psy pour écouter quelqu'un, heureusement. Heureusement. La seule chose, c'est que quand tu es psy, tu as une écoute particulière. Tu n'es pas dans l'empathie. Tu n'es pas dans la compréhension. Oh putain, je suis en train d'essayer de définir ce que c'est qu'une écoute psy. Pourquoi je me lance là-dedans? C'est... Hein? Ouais. C'est en fait... ouais, je vais le définir comme ça très rapidement. T'es un miroir et un écho. Voilà. C'est-à-dire tout ce qui part de... En psychanalyse, on appelle ça l'analysant, parce que c'est pas l'analyser. Il n'y a pas quelque chose qui se produit sur lui, c'est quelque chose qu'il produit en parlant. Donc, il est analysant. Et en fait, le rôle du psychanalyste, du coup, c'est juste de renvoyer en écho ce qu'il dit pour qu'il entende ce qu'il dit. Et comme en plus il n'y a pas de face à face, il est dans le vide de l'image. Enfin, voilà. Donc, du coup, il ne peut que ressentir, en plus moi il est allongé sur un divan donc il ressent son corps, il écoute sa parole et il ne voit, enfin il n'est pas en rapport visuel avec un autre. Donc c'est là où ça renvoie justement à une sorte de perdition en effet, et dans le langage et dans le regard. Enfin, voilà, ce qui fait que la personne se retrouve à un moment dans un vide de sens, parce que toutes ces choses-là qui sont produites des uns aux autres, des réponses, de compréhension, ça entretient les discours, et à ce moment-là, en fait, il n'est que dans son seul discours qu'il déconstruit lui-même. Je dirais ça comme ça. Merci. Ouais, donc c'est clair que le psy, ça doit être ça, à la base, un écho et un miroir. Bon, donc en théorie, hein, y a des mauvais psys, voilà. Bon, y a des transferts, il y a des contre-transferts, il y a des... voilà. Et quand tu disais coach des psys de bas étage, en fait, en France, ce qui différencie un psychologue d'un coach, c'est les diplômes. Donc cette mesure-là, ça serait peut-être le diplôme, hein. C'est ce qu'il en est en France, c'est comme les psys et les psychiatres, donc les psychiatres qui peuvent prescrire des médicaments et les psychologues plus des conseils, on va dire, ou cette écho-là. Et donc, l'origine de la psychose, moi, ça me fait penser à quoi ? Bah, psychose, psychose collective. Je sais pas si vous en avez parlé, mais ouais. Donc, quelle serait l'origine de la psychose collective ? Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais bien chercher une réponse. Mais c'est aussi l'expression de ce qu'on, une image de ce qu'on peut voir aujourd'hui, une espèce de psychose collective dans la société. Donc c'est pas d'aujourd'hui, mais voilà, c'est des choses qu'on voit arriver. Donc lorsqu'on est un petit peu au courant, ça permet de nous construire avec ça, de mettre une distance ou pas avec avec ce qui peut se passer, et donc une psychose collective. Et peut-être la question que je me poserai, c'est comment déconstruire cette psychose collective. Alors oui, je redis, le titre de mon intervention, c'était pas l'origine de la psychose. C'est que le psychotique se pose en son être la question de l'origine. C'est la question du psychotique, l'origine en fait. Quelle est l'origine de sa propre existence ? Et ce qu'on appelle psychose collective, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait définir comme la psychose au niveau d'une structure psychique. Ça n'a rien à voir. Je sais même pas comment on le définit d'ailleurs, la psychose collective. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Ouais, peut-être tu peux le définir. vas-y, tente. Non, une psychose collective, déjà collective, hein, on est bien d'accord que ça ne concerne pas qu'un seul individu, que c'est quelque chose qui serait diffus dans la société. Une psychose, donc, ça serait quelque chose qui dénoterait, je sais pas, d'un certain sentiment donc collectif de folie, de paranoïa, de voilà, une pathologie collective qui gagnerait une certaine population. Pour continuer sur la définition, enfin de sur qu'est-ce que pourrait être une psychose collective. Moi, je reviendrai à Freud, hein, qui définit la religion comme une névrose collective. Alors, moi, là où je serais pas d'accord avec Freud, c'est que, enfin, à ma connaissance, dans la psychanalyse freudienne, la névrose, c'est un sujet qui a un problème psychique, une souffrance, dont il connaît pas l'origine, mais en fait, il a conscience qu'il est malade, qu'il a un problème. Donc il va voir un psychanalyste pour l'aider à déterminer l'origine, etc. Et opérer une maïotique, etc. Bon. Alors que le psychotique, lui, il croit qu'il n'est pas malade, alors qu'il est vraiment malade. Donc il a perdu son moi. C'est-à-dire qu'il est... Donc dans ce cadre-là, une psychose collective, ça pourrait être, par exemple, les phénomènes d'idéologie religieuse meurtrière. On aurait toute une communauté de personnes qui seraient malades, qui auraient un comportement, disons, criminel, etc., mais qui n'en ont pas conscience, hein, qui croient qu'ils ne sont pas du tout malades. Donc là, on aurait, pour moi, un exemple de psychose collective. Voilà. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que le névrosé sait qu'il est malade et le psychotique ne le sait pas. C'est... Hein ? Ouais, bon, c'est vrai que je suis pas souvent d'accord avec Freud aussi, mais bon, en même temps Freud c'était une époque, c'était voilà, il a découvert des trucs et très franchement il y a plein de choses qu'il a dit qui sont plus valables aujourd'hui, et puis voilà, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup plus parlé de Lacan, parce que déjà je m'inscris beaucoup plus dans sa pensée, et aussi parce qu'il est venu après Freud, hein, c'est toujours plus facile de venir après quelqu'un, forcément. Donc oui, c'est la psychanalyse freudienne, c'est une psychanalyse de son époque, et donc c'est absolument un discours. Je ne sais plus si je vais remettre mes idées en place pour reprendre. Je prends des notes tout le temps parce que je perds toutes les choses qui se passent. Non, je voulais évoquer un truc qui s'est passé sur la place, parce que pour rebondir sur ce que tu disais, la psychanalyse, enfin je ne sais pas si c'est ça qui nomme tout le traitement des dérives ou des anormalisations qui nous traversent et qu'on a rencontré depuis le début sur la place. On a inclus à Nuit Debout beaucoup de choses de cet ordre-là, beaucoup de gens qui étaient dans ces troubles-là, et nous-mêmes, on y a été de notre propre interrogation. C'est présent sur la place, profondément depuis le début. Il y avait une commission psy, à un moment, qui se réunissait ici. Il définissait ça comme une des plus grandes réussites démocratiques de Nuit Debout. C'est-à-dire que toutes ces troubles qui nous... on les a vécus de près et avec des tas de gens qui ont fait Nuit Debout avec nous. Et nous-mêmes, nous participons de nos propres troubles qui sont ici. Donc on peut se demander si effectivement il n'y a pas une fonction thérapeutique de Nuit Debout, une fonction thérapeutique collective dont on parlait tout à l'heure, quoi. Mais est-ce que c'est ça qu'on appelle la psychanalyse? Je sais pas, mais c'est enfin en tout cas les troubles qu'elle traite, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter, quoi, beaucoup, quoi. Et c'est une grande réussite. À l'inverse, paraît-il, de la Puerta del Sol, qui ont exclu beaucoup de choses en se protégeant d'abord de la soulographie, même des pétards, tant pis pour moi. Ils avaient des mecs qui viraient tous les gens qui respectaient pas les règles de fonctionnement entre eux, les gens qui étaient borderline, les gens qui étaient soulographes et ainsi de suite, quoi. On était là pour bosser, quoi. Mais ils ont une tradition, paraît-il, de la beuverie très intense, donc ils savent aussi que quand il faut pas faire la beuverie, il y a certaines choses qu'il faut pas faire, quoi. Bon, voilà. En fait, ce que tu me dis, ça me fait penser à la psychothérapie institutionnelle, qui peut-être finalement on pourrait plutôt comparer Nuit Debout à ça. C'est-à-dire que en fait, c'est un espace dans lequel il y a un petit peu un en dehors de la société et dans lequel le jeu de reconnaissance se recrée. C'est-à-dire, je parlais par exemple de la Borde, donc c'est un château dans lequel il y a des psychotiques, essentiellement des psychotiques, et les soignants, les médecins, les patients sont tous au même niveau. C'est-à-dire, quand t'appelles là-bas pour prendre un rendez-vous, t'as un patient, en fait, au téléphone. Et ils font tous la même chose. Et en fait, du coup, ça a une fonction thérapeutique extraordinaire. Ça me fait vraiment... Ce que t'as dit, de Nuit Debout, ça me fait vraiment penser à ça. Parce que chacun, en fait, a une place là-dedans. Dans la société, il n'aurait pas de place, parce que ça, c'est pas, ça marche pas, quoi. Mais là-dedans, chacun a une place. Parce qu'en fait, il y a une sorte de nouveau discours en fait qui est créé à partir de là. Et par contre, là, ce qui est très le problème en fait de la psychothérapie institutionnelle, c'est qu'une fois que le patient sort, bah, des fois ça marche, des fois ça marche pas, quoi. Quand il retourne dans, j'ai envie de dire, la société classique, mais des fois ça marche parce que du coup, il a pu à ce moment-là trouver une reconnaissance déjà de lui-même qu'il peut exporter à l'extérieur. Et donc voilà, c'est intéressant, ça me fait penser à ça. J'y avais jamais pensé en fait, mais non, je suis désolé, le micro est long à arriver, mais voilà, il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Voilà aussi, est-ce qu'on peut aussi là, qu'est-ce que j'y vois aussi des paramètres sociaux, notamment on voit une société individualisée, déjà, que ça soit dans le travail, que ça soit à l'extérieur du travail, et justement l'individualisation, qu'est-ce que ça entraîne? Un repli sur soi, et le repli sur soi entraîne la peur de l'autre. Et notamment, et la psychose, un exemple de psychose, donc la paranoïa et un sentiment d'être persécuté, d'accord? Et donc, est-ce que ce sont des phénomènes, des fois, de repli sur soi et de repli sur soi et de peur de l'autre qui sont amplifiés, d'accord? Qui sont amplifiés jusqu'à la paranoïa. Et justement, donc, j'ai participé une fois à un atelier psychologue debout et... Voilà, donc qu'est-ce que j'ai proposé? Donc rétablir déjà la solidarité et le lien social, donc en réponse à l'individualisation dans notre société. Et je pense que l'individualisation, bon, je dis que ce n'est pas la seule cause, mais c'est une cause donc qui est, je veux dire, c'est un paramètre qui est important. Juste deux secondes pour dire que si tu avais dit individualisme, bon, j'aurais été habitué à ce discours, mais si tu dis individualisation... Non, je trouve ça dommage. Au contraire, l'individualisation, elle doit être nécessaire dans la vie. Il faut pas qu'on se... Bon, c'est mon point de vue. Il faut pas qu'on se dilue non plus. Il faut qu'on puisse exister chacun, puis faire ce qu'on a à faire. Alors, tu veux réagir du coup? Mais, ouais. Et du coup, après, on va prendre trois tours de parole ou quelqu'un qui a pas parlé. Enfin, bon, on va essayer de faire vite. Du coup, je vais tous les prendre, mais voilà. Parce qu'on va faire la boîte à questions après. Ça fait quand même 2 heures qu'on est sur le... Voilà. Comme tu veux, tu voulais... Non ? Ok. Du coup. Moi, je me posais la question de la psychose généralisée et je mettais ça avec des mouvements qu'on pourrait appeler de mode ou de ou d'éducation généralisée, comment on peut apprendre à avoir peur de l'autre, tout simplement. Et le phénomène de mode peut des fois augmenter ces choses-là. C'était une idée qui m'a traversée. Ok, merci. Donc, il y avait... Alors, je voulais revenir sur ta définition du psychanalyste. Si j'ai bien compris, le rôle du psychanalyste, c'est d'entretenir le soliloque. Le soliloque, là, parler tout seul, quoi. Ce qu'on fait très bien au comptoir quand on a bu trop de bière. Même sans boire trop de bière. C'est bien ça. Oui, moi je veux dire, tu parlais de la maladie collective du Kouachang. Comme je fais des jardins thérapeutiques, ça c'est les trucs à la dernière mode. Hein. Et ça marche très bien. Le jardin thérapeutique. Non, c'est pas pareil. Parce que le jardin thérapeutique, tu te salis les mains. Et c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui pour beaucoup de personnes, de se rendre compte qu'ils ont un corps et que leur corps fait partie de la terre et la terre fait partie de leur corps. Ça, c'est important. Du coup, je prends le dernier tour de parole, hein, si je m'abuse, hein, c'est bien ça. Et tu concluras ? Je rejoignais ce que disait le monsieur auparavant sur la question de l'individualisation de la société et la nécessité de la solidarité. Et je pense que probablement l'une des origines de la psychose ou des psychoses collectives, à mon avis, c'est le manque d'amour en fait. C'est la question de l'affectif, c'est le fait justement que l'amour au sens large du terme, hein, pas simplement Eros ou Philia, dans la société. Et par rapport à ça, la nuit debout ou l'oralité, le retour à l'oralité, peut faire référence à Michel Foucault quand il parle de la parésia et du dire vrai. Voilà, le fait de dire vrai en public et de pouvoir ne pas se cacher de ce qu'on a et de parler ensemble avec du dire vrai et accompagné d'un discours d'affection à l'égard des autres citoyens, partager une citoyenneté en fraternité, je pense que ça peut éviter à des personnes de tomber dans le nihilisme et d'aller se réfugier dans des idéologies psychotiques ou voilà. Je pense que l'amour, hein, même si c'est un mot qui aujourd'hui est un peu plus à la mode, je pense que pour moi c'est vraiment la solution, quoi, voilà. Ou l'intelligence émotionnelle. Alors tout ce qui a été dit là par rapport à la peur de l'autre, l'individuel, tout ça, c'était tout à fait, enfin ce que je mettais en avant sur les discours qui maintenant arrivent en confrontation, mais pour que je en fait j'ai pas le courage de redévelopper. Mais tu peux réécouter le début de l'intervention, on en a vachement parlé en fait au début sur du coup ce que ça pouvait produire. Enfin, je voulais juste dire à Bruno. Ta question, non, c'est pas un soliloque, parce que ce discours-là, enfin, cette parole-là, elle est adressée à quelqu'un. Il parle pas tout seul, il parle à quelqu'un, quand même. Donc, le psychanalyste lui renvoie à lui-même ce qu'il dit à un autre. Ce qu'il le dit quand même au psychanalyste, à la base. C'est ça qu'on appelle, j'ai pas parlé du transfert, mais c'est ça le transfert. C'est-à-dire que, à ce moment-là aussi, ce qui se passe... Vas-y, je prends le courage, je développe au moins ça. Ce qui se passe, c'est que il va se dire, par exemple, typiquement un discours sur, alors que quelqu'un qui va dire, bon bah, il s'est passé ça dans ma vie aujourd'hui, il va supposer que l'autre a un jugement par rapport à ce qu'il lui dit. Mais comme l'autre ne va lui renvoyer que sa propre parole, l'analysant va entendre son propre jugement en fait qu'il supposait être le jugement de l'autre, mais qui en fait est son jugement à lui. Mais s'il avait parlé tout seul, comme il ne se serait pas adressé à quelqu'un, il n'aurait pas supposé que l'autre pouvait le juger. Donc du coup, il n'aurait pas eu ce retour possible. Donc c'est différent de prendre une bière au comptoir et de parler tout seul, quoi. Je ne sais pas si c'est clair expliqué comme ça, mais c'est assez complexe hein, comme truc, mais j'essaye de le dire. Voilà, je pense qu'il y a plein d'autres choses dedans, mais il y a ça, c'est la définition principale du transfert, quoi. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. On s'est bien amusé, hein. Merci beaucoup d'avoir tenu ces deux heures et merci à tous d'avoir participé. On va faire la boîte à questions. Mais Sylvain va faire un petit point info, il vous dira mieux que moi. Voilà. Ouais, je vais revenir sur des choses malheureusement beaucoup plus terre à terre. Et en fait, pour ceux qui nous suivent, on a fait un point migrant de tout cet été. Et il s'est passé des événements assez importants aujourd'hui à Calais. Donc je voulais vous en informer si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc il y avait une manifestation prévue avec des cars qui sont partis de Paris. On a appris que les cars ont été bloqués à différents péages. Les flics ont contrôlé donc les chauffeurs et ils ont demandé à contrôler toutes les personnes qui étaient dans ces cars. Les personnes ont refusé d'être contrôlées et on a demandé oralement de donner les identités, les dates de naissance. Il y avait une manifestation qui avait été déposée à Calais, elle a été annulée par la police au dernier moment sous des motifs qu'on ne comprend toujours pas. Une manifestation a tenté partir de la jungle, ils ont été gazés, on les a empêchés, ils ont été nassés. Les manifestants qui avaient réussi à rejoindre Calais ont été priés de revenir sur Paris. Donc ils vont revenir sur Paris sans avoir pu manifester et en étant emmerdés sur tout le parcours, excusez-moi pour d'être un petit peu vulgaire. Donc voilà, pour vous montrer encore une fois que la démocratie en France, il n'y en a plus. Donc ça, les copains à Calais, je pense qu'ils ont passé pas une super bonne journée, donc ils vont arriver un peu dans la soirée, je sais pas trop ce qu'ils vont faire encore. Et j'ai un peu peur des bus qui vont partir à Notre-Dame-de-Landes dans pas longtemps, ce que ça va donner aussi. Donc voilà, je voulais vous tenir informé, et puis j'espère que... Mais tout le monde va bien, hein, sinon. À part le gaz, et ça commence à devenir habituel. Mais voilà, ça ne s'arrange pas. Merci de m'avoir écouté, et puis on va reprendre la boîte à questions et une activité normale à EducPop. C'est ça. Merci beaucoup pour l'info. On va passer à la boîte à questions. Tu veux faire tourner, Sylvain? Non? Tu peux faire tirer une question? En fait, on cherche juste une petite main innocente pour piocher une question au hasard. Voilà. Non, mais la vôtre. Non, mais lui, il est dans l'orga, alors il compte pas. Trop tard, on a trouvé une main innocente. Oui, si tu veux la lire, mais t'es pas obligé non plus, mais si tu veux la lire. Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi on parle d'éducation populaire quand on fait une révélation. Une révolution. Une révolution. On a besoin des quartiers populaires. Ne les oublions pas. MIB. MIB. Alors, tu vois comme... C'est quoi? Ouais, non, puis si on la remet dedans, en plus, on va la repiocher. Alors donc c'était bonjour, j'aimerais savoir pourquoi on parle d'éducation populaire. Quand on fait une révolution, on a besoin des quartiers populaires. Bon, c'est... Ne les oublions pas. Bon. Oui, voilà, la question est un peu... Enfin, plus je trouve, mais je sais pas si quelqu'un veut répondre, mais... En fait, j'ai l'impression qu'on... Là, on joue un peu sur le mot populaire, en fait.